C'est fou. 89.1. Sometimes. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Ingrid Arnemer nous parlera de ce qui fait l'actualité en péridatalité dans la course au trésor. Stéphanie Parazzi survolera avec nous du récent numéro de Journal Zone Campus. Et Lily Brunet Saint-Pierre nous lira sa collègue d'opinion La Blonde à la tête. Ça, et on révèle qui est le groupe des soirées cachées de ce soir. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio, Mathieu? Ouais, assez longtemps pour me semble savoir que je devrais fermer tous les micros avant de tout ça dedans. Donc, bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 27 novembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Ils tous dans le micro. Ouais, ben c'est comme ça. Drôle de matin encore, c'est la première grosse trolley de neige. Les gens n'ont pas encore changé leurs pneus. J'arrive en retard, comme toujours. Retard. Mais là, au moins, la raison est bonne, tu sais. Ouais. Comparé à l'habitude. Ouais. C'est ça. Et après ça, j'ai oublié de faire mes micros. Donc, aujourd'hui à l'émission, on aura Stéphanie Paradis à 8h pour sa chronique Zone Campus. On va faire le survol du plus récent numéro, celui que le carnaval étudiant en couverture. Génial. À 8h30, on recevra Lily Brunet-Saint-Pierre pour sa chronique La Plonde dans la tête. Elle va aussi venir nous parler. En tout cas, on va parler avec elle des soirées cachées. C'est fou que ça ait lieu ce soir. Oui, l'équipe devrait être là aussi. Toute l'équipe. Toute l'équipe. Qui c'est qu'il y a là-dedans, hein? Moi et puis mon équipe, on va tout être là. On va d'être là. Les gars de ma shop. Ouais. On va d'être. Oui, d'être. Oui, c'est important. Donc, des liaisons, hein? On aime ça. Oui. Les liens. Oui. Le sentiment d'appartenance, you know? À 9h, on fera « C'est exprès, ça devrait répondre là ». Chronique des gadgets inutiles, bien sûr. Mais on va débuter ça ce matin à 7h35 passé, même presque 40, avec Ingrid. Bon matin. Bon matin. Ça va? Oui, c'est pas grave, j'ai pas beaucoup de stock aujourd'hui. Ah, ben parfait. Ça, est-ce que t'es arrivé à l'avance malgré la tempête? Apocalypse right now, là? Je suis partie à 6h45 de Champlain. Aïe, aïe. Mais une chance que les jeunes nous écoutent pas pour savoir quelles écoles sont fermées, parce que c'est pas notre job pour tout ça. Ben, ça défile en bas de l'écran. Ah oui, c'est ça. On est le même, on est rendu 2.0, là. Ben oui. Regardez ça, là. Si vous voyez pas, c'est parce que vous avez pas une radio. Radio, c'est ça. et si vous voyez pas le nom de votre école, c'est qu'elle est fermée. Fait qu'allez-y pas. Oui, c'est ça. Prenez on pas de chance. Prenez pas ça. De chance. Allez-y pas. Allez-y pas. Pourquoi y aller? Bon, ça va faire. Commençons tout de suite. Donc, la voici. C'est Ingrid Arneberg et la course au trésor. Bonjour à toi, Ingrid. Bon matin. Yeah. Encore un autre ragoût de nouvelles sur la périnatalité. Oui. On aime ça, on prend goût à ce... Bon, c'est les épices, hein, je pense, que tu mets dedans. Hein. C'est clairement ça. C'est une recette secrète. Ouais, oui. Ouais. Miam. Donc, plein de sujets à aborder. On commence avec quoi? On commence avec l'immaturité des bébés. L'immaturité... Ah, sont pas frais pendant toutes les bébés. Hein. Sont comme vraiment... Ils sont pas frais. Ils sont là, puis ils manquent de respect, puis ils sont vraiment pas matures. Hein. Non. OK, un bébé humain, c'est le plus immature des animaux qui va naître. Son cerveau a à peine 30% de la taille qu'il va avoir à l'âge adulte. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Manque de... Hypothèse. OK, la grosseur de la tête. Oui, mais pourquoi c'est important la grosseur de la tête? Pour passer à travers de l'orifice féminin. Le canal vaginal, on peut nommer ça. Oui. C'est un terme médical, on a le droit. Pour qu'il puisse passer par la porte, parce que sinon, il a la tête enflée. Il va finir en... Bon, on nommera pas de bac de fendant. Ben non, faut pas ça quand même. Le bac de recyclage. Oui. Oui, c'est mon fendant. Ben, c'est que le bar est très coupant. Puis tu as fait des pepper cuts aussi. OK. Oh, okay. Moi, j'en recous des vagins. Hein? Ah oui? On est loin du bac de recyclage. Qu'est-ce que tu fais en fait de semaine? Ben, de la couture de vagin. Non, mais hier, il y avait un atelier suture. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait des sutures, nous autres, pour se pratiquer sur du poulet? Oh. Mais c'est, ça, vous faites du bon barbecue, ça veut dire? Sûrement. Oui. Avec fil de suture compris. Oui. Une fois avec une canne de bière dans le... Non, on fait pas ça. Non, ça c'est. Pas à l'hôpital, en tout cas. Non. T'es immature. Oui, vraiment. Comme un bébé. Comme un bébé. Mais oui, vous avez raison. Souvent, ben, l'hypothèse la plus répandue, c'est pourquoi est-ce qu'un bébé est si immature quand il naît? C'est parce que faut que la tête, elle n'ait pas une plus grosse dimension que ça. S'il restait plus longtemps, il grossirait et il ne passerait pas par le bassin. Alors, c'est ce qu'on a souvent prétendu, là. ça, c'était... Mais il y a des anthropologues américains qui refusent cette théorie récemment. Ben, en ce moment, là, ils sont en train d'étudier ça. Et ça serait plutôt les limites du métabolisme de la mère qui influencerait la durée de la grossesse de l'humain et qui expliquerait pourquoi c'est bizarre là, qu'on soit... si on se compare, là, l'humain est un singe nu, là, par exemple, ben, c'est vraiment bizarre là, que nos enfants soient si matures, si peu capables de survivre sans nous. Là. Okay. Donc, c'est vraiment une bizarrerie de l'évolution. Et là, c'est une théorie au niveau du métabolisme, que c'est ce qui expliquerait que nos bébés naissent si tôt, si tu veux. Les bébés devraient être dans le ventre plus longtemps. Oui, en théorie. Tu sais, un éléphant, c'est 2 ans. C'est ça. Donc, ben là, on n'est pas un éléphant non plus. Là. Non. Mais en voulant dire que théoriquement, nos enfants devraient être plus matures si on se compare au niveau des autres animaux. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Là, on pensait tête versus bassin. Mais en fait, non, ça serait au niveau métabolique. Je vous explique ça. Bon, pour comprendre l'hypothèse, il faut qu'on sache que la nature a favorisé un développement important du cerveau humain. En proportion égale, le bébé humain est plus gros et son cerveau est plus développé que les autres singes. OK? OK. Ce qui va expliquer en partie pourquoi la gestation serait plus longue chez l'humain. On a quand même une longue gestation, 9 mois c'est quand même long, puis versus les autres primates. Les autres primates, leur gestation est beaucoup plus courte. Ça serait pour permettre un développement du cerveau plus longtemps. On me suit toujours? Oui. OK. Super. Mais OK, pourquoi est-ce que là, si on développe tant le cerveau de notre enfant pendant la grossesse, pourquoi est-ce qu'on arrête à un moment donné, pouf, puis qu'on le fait sortir si immature? On pourrait le garder à l'intérieur plus longtemps, puis continuer le processus. Il devrait se forcer, puis ouais, retiens-toi. Ouais. Tu sais, si la grossesse était plus longue, les nouveau-nés seraient plus en forme à la naissance. Mais c'est là que le métabolisme de la mère rentre en cause. C'est pour ça qu'on accouche. Oh! OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour se maintenir en vie, un humain a ce qu'on appelle un métabolisme de base. Tout le monde a ça. OK? C'est la quantité d'énergie que ça te prend pour running, t'sais, pour survivre. Il est reconnu qu'un humain ne peut pas survivre à une activité soutenue qui dépasse 2 fois ou 2 fois et demi ton métabolisme de base. Mm-hmm. OK? Et pendant la grossesse, le métabolisme énergétique de la femme, il tourne autour de 2 fois le métabolisme de base. Donc, pendant 9 mois, ça tourne à 2 fois ton métabolisme de base. Puis, passé 9 mois, la demande, elle passe à 2,1. Mm. Donc, on est, tu sais, les femmes enceintes, là, c'est vraiment... tu t'abaisses ton système immunitaire, ta demande énergétique, elle augmente. Fait qu'il faut vraiment que tu t'ajustes, là. C'est... Tu rushes, t'es à temps en double, là... 1,1. Ben oui. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais voilà, tu vois, le vagin. Exactement. Oui. Le 2,1, ça fait déborder le vase. J'aime la goutte qui fait déborder le vagin. Juste... Ouais. J'aime ça. D'accord, ça drôle. C'est la goutte qui fait déborder le vagin. Ou l'utérus, parce que le bébé se trouve dans l'utérus. Ouais, mais la blague est moins drôle. Même. Ouais, OK. Parce qu'on peut pas utiliser le mot vagin. OK, je comprends. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est pour ça que c'est moins drôle, parce qu'on peut. En tout cas, bref. Oui, moi, je la comprends. Puis, bon. Merci, Jean-Philippe. Donc, c'est pour ça que, selon les chercheurs américains qui réfutent la théorie du bassin versus la tête, que quand on passe à 2,1, c'est là que l'accouchement va se déclencher, parce que là, la demande énergétique, elle dépasse les réserves et la capacité de la mère. Okay. Donc, c'est pour ça que ça part. C'est une théorie qui est complètement différente. Là. On avait une approche très, très, très mécanique. Mmh. Puis là, une approche beaucoup plus hormonale, physiologique, d'aller vraiment plus à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on peut pas voir, tandis qu'il y a une tête versus un bassin. Ouais. Puis c'est beaucoup plus logique pour beaucoup de gens. Bon. Ça a perduré longtemps, la théorie selon laquelle c'est la tête versus le bassin. Ça perdure encore que c'est ce qui déclencherait l'accouchement. C'est pour ça qu'on accoucherait à 9 mois, okay. Parce que là, on est rendu là. Mais ce qu'on pensait, c'est qu'un bassin plus large, parce qu'on s'est dit, ben on ne supporterait nos bébés plus longtemps si on avait un bassin plus large. Mais là, ils pensaient que si on avait un bassin plus large, on ne pourrait pas courir. OK. OK? Mm-hmm. Ça nuirait à la course, ça nuirait à la marche. Donc, c'est pas pratique pour un homo sapiens. Mm-hmm. Mais finalement, il y a des études récentes qui ont démontré que la taille du bassin, elle a pas d'effet critique sur la capacité de se déplacer. Donc, puis tu pourrais avoir un bébé plus gros. Il n'y aurait pas de problème. Ça nuirait pas à la Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas évolué comme ça? Mais c'est vraiment à cause de la demande énergétique. On n'est pas capable de supporter une demande énergétique aussi forte. Ce qui est logique. Donc, ça veut dire que ceux qui pensent encore de l'ancienne façon sont peut-être un petit peu... Est-ce que c'est un manque d'ouverture d'esprit? Est-ce que c'est... Ben, c'est des révolutions. Tu sais, longtemps, on a cru que la Terre était plate, puis on brûlait les gens qui pensaient qu'elle était ronde. Des sorciers! Fait que, tu sais, je pense que c'est un changement de mentalité qu'il va falloir être prouvé. C'est pas une étude, ça va prendre plus qu'une étude. Ouais. Donc, tu sais, là, c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses. Puis je trouve ça que c'est très intéressant de sortir un peu du carcan et de dire « Ah, mais ça pourrait être ça aussi, tu sais. » Donc, le développement du bébé, il a évolué pour atteindre un compromis entre l'augmentation de la taille du cerveau et la capacité de la mère à fournir les réserves nécessaires à sa croissance. Mmh. Ça va en résulter donc un bébé qui est peu mature et faible. Il va dépendre totalement de ses parents. C'est clair. Là. Tout le monde a des neveux nièces. Là. Si on n'a pas d'enfant, là, on l'a tous déjà vu. Ça peut sembler loin d'être idéal. T'sais, au niveau évolutif, tu dis... Mais pourquoi mettre un enfant aussi près de mourir au monde? Mmh. Puis, je veux dire, on est très, très bien évolué, les humains, là. Je veux dire, on sera pas du très, très la vite. La plupart. T'sais. Encore, on n'aimera pas de bac. Bon, donc, mais ça peut sembler que c'était pas idéal au niveau évolutif de la survie de l'humanité, mais en même temps, ça a favorisé le développement d'un lien très fort entre les parents et l'enfant. Et au sein de la communauté, parce qu'on a besoin des grands-parents, des parents, de la famille élargie, mais aussi de la communauté pour éduquer les enfants. Donc, ça a un peu fait notre société moderne. Donc, c'est pour ça que, finalement, mettre un enfant si mature, ça a peut-être permis d'évoluer en la société qu'on est aujourd'hui. Mm-hmm. Mm. C'est vrai! Mm. Hein? C'est pas pire, hein? Et ben c'est fini pour ça. Oui. Mais j'ai un autre sujet. Ben oh. Oui. Hey. La couche intelligente pour bébé. La haïku. C'est comme la litière pour chat. Je sais pas si tu l'as vu l'annonce. Ça gratte ça, non? Oui. C'est un chat qui fait ses besoins. Ok. Puis là il y a comme un laser au-dessus du ben comme un truc laser là pour voir qu'il y a un chat qui fait ses besoins. Puis quand c'est fini, 5 minutes après, il y a une gratte qui fait... 5 minutes, ça a le temps de puer dans la peste à la maison. Ben, c'est pas super. Okay. Mais ce qu'il devrait faire, là, ce serait de te forcer à attacher le chat après un harnais puis le faire descendre comme dans Mission Impossible. Au-dessus de la litière. Ouais. Flouc. Mais on va se rappeler que c'est encore de la déresponsabilisation. Oui, c'est ça. Puis j'en ai vu un deuxième modèle. Oui. Ben, en vente partout. Celui-là, il est vraiment compliqué, par exemple. Faut que tu le branches sur ta tuyauterie de toilette. Hein? C'est des fausses granules de litière. Okay. Il fait ses besoins. Puis quand c'est fini, ça flush. Fait que il y a comme un système qui retient les billes, mais le numéro 1 s'en va. Puis ça enlève les crottes aussi. Puis après ça, t'as aussi le petit bidet pour chat. Je suis tellement sceptique. Wow. Hey, ouais, faux sceptique. Hein, oui, c'est ça. Non mais c'est incroyable. Là. Et t'imagines, faut que t'appelles un plombier pour installer ta litière. Bon, mon chat a encore fait déborder la toilette. Check ben, c'est encore genre une entreprise là, des syndicats de plombiers. Là, ouais, pour, oui, c'est ça, plus pour créer la job. puis quand tu parles de « c'est pour ma chatte », il parle juste de sa blonde. Là, fait qu'il n'y a pas de chat là-dedans. Non, c'est ça. C'est ça. Je me suis fait avoir. Ouais. Excuse-moi. L'influence de la pub. Ouais. Ok, je prête des fois. Plus de café, là. Je l'ai pas bu encore. Fait qu'attention, je vais commencer tantôt. Oh là mais là. C'est toujours le fun, je trouve. En tout cas, c'est très déstabilisant, mais j'adore ça. Oui, c'est on passe. J'adore vraiment ça. Donc, la couche intelligente, oui. Ce serait un fabricant américain qui a conçu une couche avec un capteur intégré. OK? Oui. Ça permet de savoir quand il faut changer la couche, ce qui renseigne également les parents sur l'hydratation et la santé rénale de leurs enfants. Wow. Okay. Parce que les yeux, c'était pas assez. Puis le nez, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que les parents pensent que le pipi de leurs enfants doit être bleu comme dans les pubs. Fait que là, ben, on sait qu'il est pas bleu. Ah non, mais si tu savais les discussions qu'on a sur les caca d'enfants, là, les gens pensent pas que du caca de bébé, là, c'est liquide dans les premières semaines. Oui. Mais c'est liquide, là. Mm-hmm. Arrêtez, il boit juste du lait, là. Mm-hmm. Puis, Dieu merci, ça pue beaucoup moins. Puis, c'est rendu à 2 ans, c'est mon game. Donc, ça s'appelle la Smart Diapers. Mm-hmm. C'est mis au point par la firme new-yorkaise Pixie Scientific, qui a occupé de simples couches culottes, là, d'un code QR. Les petits codes, genre, avec des drôles de symboles dedans, qu'on voit un petit peu carrés. Des sur des pancartes, ouais, des, personne ne se sert. Des gros pixels, oui, oui, ouais, exactement. Mmh. Puis, personne ça peut être un téléphone intelligent, mais ça marche pas. Après. Ça te prend l'application pour l'ouvrir. N'importe quoi. C'est une très, très bonne idée. Oui, oui, mais à la base. C'est génial, mais c'est si compliqué. Mais qui le fait? C'est trop long. Mais là, toi, avec ta technologie, là... Ah, ben là, je suis pas tout seul, là. T'as un Mac, toi aussi. Les seuls ben oui, je suis même dans la rue, puis je photographie tout. Mais les seuls qui servent des codes QR, c'est ceux qui ont créé le code QR de leur affiche pour voir s'ils marchent. Pour voir s'ils marchent, oui. C'est vrai. Tout. Ça doit. Je suis même pas surprise de ton affirmation. Puis souvent, il est trop petit. Oui. Hein, parlons-en, là, tant qu'à aller sur non, le sujet. Non, la pub est embuée, puis là, oui, c'est ça. Je suis capable de rien faire. Comme, un petit peu de pluie. Puis... Comme à l'épicerie, quand ton code-barre, il est à l'intérieur d'un emballage, puis là, la fille est comme... Ah, oh, ouais. Puis là, faut qu'elle l'étire, puis là... Oh, ah. La vie est un calvaire. Vraiment. Vraiment. Non, non, pour être caissière, une fois dans ma vie, oui, c'est vraiment un calvaire. J'ai Renault Dépôt, moi. Ah, oh, ben c'est ça, le... Là, tu sais de quoi je parle. Parce que moi, c'était chez Rona que c'est arrivé. Avec tes maudites vis, là. J'ai besoin d'un Q. Je t'envoie le gars chercher. Mais là, si t'avais besoin d'un Q, pourquoi t'as acheté des vis? des vis à une bottaine. Hey, ben, j'ai besoin d'un Q. Clou. Donc, la couche intelligente. Oui, oui, oui. Revenons-en au sujet principal. OK. Donc, les parents, ils peuvent alors scanner le en fait, ton petit code QR qui va changer de couleur quand les bébés vont faire pipi. Les parents peuvent alors scanner le code à l'aide de leur téléphone intelligent grâce à une application. La dite application va analyser les résultats pour mesurer les risques d'infection urinaire, de déshydratation, de troubles rénaux et elle peut garder en mémoire les symptômes. Quand même! C'est pas... Ah, c'est donc c'est un code QR qui apparaît, dépendamment, j'imagine... Il change de couleur. Ouais, ouais, OK, c'est ça. Donc un peu comme... tu sais, les languettes de test de pipi. Oui. Ah oui. Donc, ça doit être ça. Le ah chlore. Ouais, ouais, exact. Comme ça. Non, mais moi, je trouve tellement que c'est de la déresponsabilisation. Ouais, tu sais, j'avais parlé du Teddy Bear, là. Y a oui. Oui, oui, oui. Encore une fois, tu sais, c'est comme si, une machine va faire ma job de parent. Mais ça pourrait pas, genre, détecter quelque chose avant que ça que les symptômes apparaissent et que tu sois obligé d'aller voir un docteur. Hein? Tu pourrais moi, pas voir à l'avance. Je suis sûr que ça va t'inquiéter bien plus. Ouais, hein. C'est comme aller sur WebMD. C'est quoi le nombre de faux positifs? C'est quoi le nombre de faux négatifs? Mon enfant est enceinte. Mais l'important, c'est de savoir, est-ce que tu peux photocopier ses fesses? Parce qu'on fait tout ça avec les affaires de scan et d'imprimante. Eh boy, le party, c'est fou, c'est le fun, hein? Oui. Je regrette de ne pas y aller. Mais malheureusement, on a juste un fax. C'est beaucoup plus douloureux. Écoute, ça court à bibliothèque. Je vais scanner mes fesses! Le premier rendu. OK. Si un problème détecté, les parents sont alertés sur leur téléphone intelligent puis sont encouragés à consulter un médecin. Quand même, faut que tu fasses ta job de parent jusqu'à la fin. Tu n'envoies pas le résultat aux parents. En tout cas, j'en parle, mais je crois tellement pas. l'entreprise a lancé une campagne de financement afin de pouvoir lancer la commercialisation de leurs produits. Donc, ça ne l'est pas encore. Ça procède actuellement avec des tests avec l'Université de la Californie à San Francisco. Donc, pour savoir, ben là, si c'est telle couleur qui apparaît, c'est relié à quelle maladie métabolique. Mais les parents qui ont des enfants, souvent, se font proposer un test qui est national au Québec. Puis ça prend un peu ça, là. Ils vont faire une petite piqûre pour le talon. Ils vont remplir 5 spots de sang, puis après ça, il faut qu'ils mettent un petit papier absorbant dans la couche du bébé, puis ça, c'est envoyé dans un autre labo. C'est analysé pour les maladies métaboliques. Okay. Donc, je vois pas pourquoi... Donc, les tests vont déjà avoir été faits. Ben, tout ce qui est maladie métabolique que tu peux pas détecter autrement que quand les symptômes puis la maladie va être enclenchée, il est très avancé, ben c'est déjà fait, là, si tu participes au programme national. Comprends-tu? Mais là, si ton enfant a un problème rénal, Christy, il va pleurer. Hein? Les parents veulent juste pouvoir partager ça sur Facebook. Oui. Oui. Il faire pipi. C'est tellement voyeuriste. Non, non, c'est vraiment voyeuriste. Ouais. Facebook, c'est vraiment fou. Puis ça, faudrait pas non plus que la couche devienne un prétexte pour pas aller voir le médecin. Oui. Genre, ben oui, il va bien. Il va bien. J'ai pas besoin de mon rendez-vous annuel. C'est aussi que ça dit aux parents, vous êtes tellement pas bon. Vous savez tellement pas quoi faire avec vos enfants, on va vous donner une technologie. Ça renforce pas du tout l'estime positive des parents, là. C'est clair, ça. Oui. Ce qui est un petit peu dommage. Vraiment. Bon, en faisant une promesse de don de 90$, le fabricant s'engage à vous envoyer environ un mois de couches de la Smart Diapers. Ah, parce que c'est des couches qu'on change là, comme des vraies, là. C'est pas une couche lavable. Oui, c'est une couche culotte avec juste un petit capteur dedans. Puis la livraison n'arrivera pas avant mars 2014. Nous, on pourrait en faire une avec un capteur de rêve. À l'intérieur des Indiens, à l'intérieur. pour des nuits sans pareil. Bon. Puis, juste à... Ça conclut ma chronique. OK, ça, c'est, les parenthèses que tu fais avec tes mains, c'est que ça conclut ta chronique. Ouais, mais un extra bonus. Je sais pas comment... Tu sais, on est tellement dans le... Il a fait un... Un comment, hein? On a fait... on peut en faire un autre. On peut aller faire une sieste, comme à la garderie. Oh. C'est malade! Juste vous dire en passant qu'aujourd'hui, les étudiants de sage-femme ont parti quelque chose qui s'appelle DocuTR. Puis ça se produit tous les mercredis midi à la médiathèque, à la bibliothèque. On vous invite, c'est gratuit. Et on passe des documentaires. Il y a eu les moissons du futur, les manifestes en série. Et là, aujourd'hui, c'est l'industrie du ruban rose de Léopold. Cool. Donc, ça parle pas juste de périnatalité. Là, c'est sûr que lui, non, il parle pas de périnatalité. Il parle de santé des femmes. Ben oui. Ouais. C'est ça. Ben, c'est super, ça. Donc, c'est sur l'heure du midi, tu viens de dire? Oui, c'est à midi. C'est à la médiathèque. C'est de midi à la fin du film. Là, donc, généralement... 2 heures, là, gros max. Et c'est à la médiathèque, à la bibliothèque, c'est au deuxième étage, c'est au centre de la bibliothèque, au deuxième étage, puis ça va être à votre gauche, bien indiqué sur les panneaux. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, on vous invite, tout le monde. Est-ce qu'on discute placote après, quelque chose comme ça? Okay. Ben, si ça vous tente, là, tu peux te lever puis partir, mais souvent, ça vient spontanément, là, les gens, moi je trouve que, parce que, bon, les moissons du futur, par exemple, c'est vraiment intéressant la forme d'agriculture qu'ils font. Ah, moi je me souviens que mon grand-père me comptait qu'il faisait ça, nanana. Tu sais, puis il y a des gens de partout là, qui viennent. Cool. Super. On vous invite. Merci, Ingrid Arneberg. À la semaine prochaine. Super. À la semaine prochaine. Oui, 7h35 environ le mercredi matin pour la course au trésor. Oui. On va se quitter avec une chanson de Gestation Rap. C'est un vieux groupe qui mettait en vedette Danny Janvier, qu'on connaît ici pour le Dîner de cons. Il y avait aussi Nicolas Dafonseca, l'ancien infographe de la première année du Zone Campus. Et l'autre double, Anthony Haoué, qui était animateur ici à C'est Fou. Donc c'était une gang d'animateurs de C'est Fou qui faisait ce groupe-là, Gestation Rap. C'est les mêmes que dans Jésus Bench 400 livres, ou presque, au moins les trois gars de Gestation Rap étaient là-dedans. On écoute leur chanson « Main dans la main », ça date, mais c'est bon en motadine. Gestation Rap, ça c'est fou. Vincent qui est fidèle fait ses propres compositions? Exactement. Ça me prend à peu près 25 minutes pour faire une chanson. Quand ça me tente, dans des moments tranquilles, mais je suis plutôt dans des moments de tristesse, OK. L'année 2006, c'est pas l'année 2007. C'est pas 90, c'est 2006. Avec le hip-hop qui embarque, nous autres qu'on débarque à l'embarque. Avec nos chou-clacs, on arrive, on les enlève parce qu'on reste toujours poli. On est ici, on est avec Bibi. Bibi qui, Bibi toi, Bibi, Bibi moi. Comme Anthony le dit, c'est à la BBC. On est ici, puis on donne de l'information aux jeunes pour qu'ils se rappellent c'est qui la patronne. La patronne c'est nous autres, nous autres on décide. Nous autres on représente tout le tas que le cul se suicide. C'est pour ça qu'on fait des rimes sérieux et des rimes très très denses. Parce qu'ici, on n'est pas là pour que le monde danse. On veut que les choses avancent, on veut que les choses s'améliorent. Puis comme ça, ben ça se passera pas de même. On veut que le monde comprenne qu'il faut se tenir les coudes. On veut que le monde sache qu'il faut s'être dans la main, dans la main. C'est très important dans la vie aujourd'hui. Moi, je mets dans la main, dans la main. C'est très important dans la vie aujourd'hui. En 1996. Mort, pas tes deux coudes, assez de dessus tes oreilles. Pas capable, t'es capable, l'autre est capable. Ma mère disait, Solange, est pas peur de toucher les notes du piano, noir, bleu, blanc, rouge. Acidique, acidine, terroriste, intégriste. Je vous aime tout, on va se faire une grosse paye là. Manger du chocolat, comme ta fête, ta framboise, ton pêche. J'ai pas peur de dire excentricité, épicacité, la capacité. Peut faire des mots bien vulgaires comme Jacques Craig, Jacques Craig, Jacques Craig. Armés avec les ciseaux, on cisaille les gens. fait des bonhommes en carton que tu dis. Ça n'en fait plein qui tiennent main dans la main. Parce qu'on veut donner l'exemple, c'est quoi le bien. On veut te le dire à toi, enfant seul. On veut te le dire à toi, enfant seul. On veut que le monde sache que les gens sont pas tout seuls. Si tu penses que seul, appelle-nous myspace.com, gestation rap, slash, tout le kit. Si nous envoyons un email, on s'en vient chez chez vous. On va parler de politique, on va jouer aux échecs. On va jouer au backgammon. On va faire des 3 de 7, des 4 de 2, des 8 de 9, des 7 de 7. Pis là, toi, tu vas être là, tu vas triper, tu vas avoir une vie. Parce que nous autres, on est la vie. Ok, on va commencer par le début. T'es un enfant unique, seul, tes parents sont morts, pas mon problème. Débrouille-toi dans la vie, fais comme moi, marche dans la rue, pile pas ses tracts de trottoir, et pas peur du noir, ça lâche, comme je te disais. C'est moi, M6 Matt, Red Saint-Cécile, 123. Y'a du monde qui parle de leurs parents comme s'ils étaient encore des enfants. Pour moi, t'es un adulte, fais comme si t'avais des cailloux dans la main, lance, fais des bons sur l'eau. N'aie pas peur de parler au cachalot. Tu sais, dans la vie, mon ami, si t'as des ciseaux, le clou, gestation, rap, 6 heures et ta vie, 6 heures et ta vie, 6 heures et ta vie, 6 heures et ta vie, 6 heures et ta vie, 6 heures et ta vie, 6 heures et ta vie, 6 heures et ta vie, 6 heures et ta vie. Mais oublie pas que MC Mange la Marde est encore là à faire des mix underground, musique, musique, musique, musica. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis pas un cave. La différence entre toi et l'autre, c'est lui, c'est pas un cave. Y'a du monde qui parle fort pour dire des choses. Nous autres, on parle, amène un message global. Mondialisation, globalisation, internationalisation, calme ma station. C'est pas moi le problème, ton emblème, y'a 10 maths pour les gens de la rue. Trouve-toi une job, mets-toi pas sur le BS. Et pas peur de faire de DS, Karel. Karel, Karel, Karel, toi pas. Ouhou. C'était Gestation Rap, l'ancien groupe de Danny Janvier avec Nicolas Lafonseca et Anthony Haoué. Allez voir purevolume.com gestation rap si vous voulez vous rappeler des souvenirs. Attends, pour ceux qui étaient là à l'époque. Attends, on traînait son téléphone. Stop ça. Au retour, c'est Stéphanie Paradis et la chronique du Zone Campus. Vous êtes dans la zone 89. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on se toujours assemblage requis. Il est 8h06 et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Oh oui, et comme on le fait toutes les deux semaines, enfin, on accueille Stéphanie Paradis à chaque semaine, vous le savez, mais une semaine sur deux, c'est un peu n'importe quoi. Soit le temps d'une paix, les petits bonheurs. Non, le temps d'une culture, ça, c'est pas moi. C'est pas toi. Tu es Squeeze. Oui. Scooby-Doo. Scooby-Doo, oh, yark, non, jamais. Davis and Butthead. Oui. Davis? Personne n'a réagi quand je l'ai dit tantôt, fait que je l'ai répété. Davis, oui. Ouais, moi, j'avais entendu. Moi. C'était très drôle. Je l'ai géré des épaules. Non, c'est ça. Hein. C'est à la radio, il faudrait que tu ris de la bouche. Comme ça? Oui. Comme là, mettons, on va parler du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Clac. On accueille Stéphanie Paradis, la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Bon matin, les cocos. Yo! Quel beau matin pour te recevoir. Oui, OK. C'est tout collant, froid et pluie vers la santé. C'est froid et humide. C'est froid et humide. Ça me décrit tellement bien. Voilà, c'est la prédatrice en chef. Donc, sur la couverture du Zone Campus le plus récent, qui est le volume 9, numéro 7, on retrouve le Carnaval étudiant 2014. Donc, commençons par ça en actualité. Mais effectivement, Mathieu, c'est pour une tradition vieille de 26 ans qu'il y a eu le lancement du Carnaval étudiant 2014. Donc, c'est du 20 au 23 janvier prochain qu'il faudra attacher sa tuque pour participer au carnaval. Donc, le comité organisateur et ses membres ont présenté le thème de l'édition 2014 à la Chasse-Galerie le 12 novembre dernier. Donc, le thème, je crois que tout le monde le sait déjà, c'est « Reste calme et embarque dans le jeu ». Donc, ça va être toute une thématique des jeux des années 90. Oui, les jeux vidéo, là. Pas juste les jeux vidéo. Par exemple... Loisirs, culture et tourisme a eu le fameux thème Barbie. C'est cool, là, Barbie. J'ai vraiment hâte de voir tous les messieurs déguisés en Barbie et les mesdames déguisées en Ken. Wow! Ça va être le fun. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi il y a un orignal sur leur chandail, genre. Un orignal? Ouais, ou un chevreuil? Oui, c'est le logo, je pense. C'est le nouveau logo. OK. Oui. Ça n'a pas à voir avec le thème, là. C'est juste le carnaval en général. OK, cool. Et effectivement, ce n'est pas un orignal. C'est un chevreuil. C'est un chevreuil. Un cercueil. Ben, en tout cas, ça ressemble à un chevreuil. C'est peut-être un cerf de Virginie ou un... C'est pas un caribou. Caribou, c'est plus large que ça. Fascinant. Ensuite, ouais. Création du Carrefour anatomique. C'est l'UQTR qui s'associe à 3 collèges de la région. Donc, l'UQTR s'associe avec le Collège La Flèche, le Collège Shawinigan et le Collège Élis. Ils ont obtenu une subvention du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour la création du Carrefour anatomique. Donc, c'est un réseau de collaboration favorisant les échanges entre le laboratoire d'anatomie de l'UQTR et les collèges participants en vue d'améliorer la formation en santé. Alors, ensuite, on parle d'une collecte de jouets et de denrées. Donc oui, c'est encore le temps d'aller donner jouets et denrées. Ça se termine aujourd'hui, le 27 novembre. C'est bien ça, c'est aujourd'hui, ça? Oui, je confirme. Merci. Donc, se déroule encore la collecte de jouets de l'UQTR. Donc, c'est l'ensemble de la communauté universitaire qui est invitée à participer à cette collecte. Ils peuvent encore déposer des jouets neufs ou usagés dans la boîte située au Pierre Boucher. Donc, exactement, je pourrais pas dire, mais le Pierre Boucher, c'est pas comme si c'était immense. Je pense qu'on peut facilement trouver la boîte pour aider tous ces gens. Ben oui, c'est une bonne cause. Ben oui. On poursuit avec la communauté universitaire qui est appelée à s'exprimer. Donc, c'est, jusqu'au 28 novembre. Donc, ça, c'est demain. La communauté universitaire de l'UQTR est invitée à s'exprimer sur la candidature de Sébastien Charles au poste de doyen de la recherche et de la création. Donc, le 21 novembre, c'était la présentation de M. Charles à l'Atrium CEU à laquelle tous étaient invités. Donc, il a présenté un peu ce qu'il voulait faire et pourquoi lui. T'sais. Puis, dans le fond, c'est tout le monde qui peut aller voter pour son poste, ben finalement. Oui, ben oui. Les étudiants en psychologie accueillent le Robson. R-O-B-S-M. Robson? C'est comme le Sepsum, ça. C'est pas le Robson. Robson? Robson. Donc, ça, c'était le 21 novembre. Le hall d'entrée du pavillon Michel Sarrazin s'est animé de kiosques de 8 organismes impliqués dans l'intervention en santé mentale. Donc, cet événement-là, issu d'un projet d'intervention communautaire, donc un PICOM, qui a mobilisé 4 étudiants en psychologie, ça consistait à appuyer une campagne visant à combattre la stigmatisation souvent associée aux problèmes de santé mentale. Je sais pas si ça dit quelque chose, Mathieu. Vaguement quelque chose. L'expression « santé mentale » dans ma bouche sort très bien, surtout dans une pub qui roule ici. Assez. Donc, le RobZoom, c'est le regroupement des organismes de base en santé mentale, si jamais ça t'intéresse, ben oui, Mathieu ça. Plante. Il n'y a pas de message subliminal. Oh, merci. C'est le fun que tu t'adresses à moi comme ça. Je viens de dire qu'il n'y en avait pas. OK, OK. Ça avait l'air sarcastique, je sais pas. Peut-être juste moi. On poursuit avec notre ami et collègue Laurent Constantin et son voyage au centre du campus. Donc, c'est la saison des portes ouvertes et c'est du sport. Donc, c'est en ce mois de novembre que se battent pour un premier round de toutes les universités québécoises afin d'attirer les meilleurs étudiants collégiaux, les meilleurs candidats étrangers et bien entendu, finalement, le plus grand nombre possible de gens, dont ceux qui ne seront pas admis ailleurs. Donc, on veut tout le monde, finalement. Ben oui. C'est bizarre, l'expression. Tu peux pas mettre porte ouverte au pluriel, apparemment. Fait que, tu sais, l'expression, c'est j'aurais peut-être dû y aller à la porte ouverte. T'sais. On peut pas dire aux portes ouvertes, apparemment. Mais c'est ça. Ben, tu pourrais drôle. Dire aux portes ouvertes si c'était la porte ouverte de plusieurs établissements. Ah, voilà. Parce que chaque établissement a sa propre porte, mais une seule. C'est ça. C'est l'entrée principale. C'est ça. Dans le fond, pendant une journée porte ouverte, c'est seulement la porte principale qui est ouverte. Les côtés, il y a des gardiens pour pas que tu rentres par c'est là. Ça, c'est ça, parce que sinon, il y a un trajet à suivre entre les kiosques. Et si tout le monde rentrait n'importe où, on ne saurait pas combien de personnes s'est présentées. Ben, comme chez Ikea, finalement. Exactement. C'est ça, faut que tu aies les petites traces, les flèches par terre. Puis il faut que tu sortes par la porte des brioches. C'est très important. Oui, tu sors par la porte des brioches pour amener tes brioches à la maison, pour les apporter chez vous. Okay. Je pense que c'est une joke de porte. Ouais, c'est ça. Genre. Portrait-reportage toujours par Myriam Lortie qui nous présente Marie-Josée Plouf. Donc oui, c'est une professeure d'art dramatique à l'UQTR de l'énergie de guerrière. Une ploufesseur qu'on l'appelle. Ben non, en fait, elle l'appelle la prof Plouf. Je vais quand même la noter. Mais en tout cas, elle s'appelle la prof Plouf. Donc, Marie-Josée Plouf n'a pas d'âge. Elle a le cœur de l'enfant de 5 ans, la fougue de l'adolescente et la sagesse de l'aîné. Elle porte en elle un inspirant mariage de sensibilité et de force. Donc, un beau portrait à aller voir. T'es fière de ta oui, blague? Oui, vraiment. Hein? Mais c'est comme, ça me rappelle, j'aurais aimé être à la réunion, au meeting, où ils ont approuvé les publicités des restaurants là, avec Nouyemi. Ah, c'est le manoir. Excuse-moi, wow. Un restaurant de partout, ça s'en peu importe. Mais ça ressemble à un manoir. Ça en forme de manoir, oui. C'est ça. Et leur pub, c'est genre Nouyemi raffole de pâtes. Fait que là, dorénavant, toutes les filles qui s'appellent Noémie vont se faire appeler Nouyemi, tu sais. Ben, tout le temps. Pas. Ben moi, je pense que oui. Fait que je vais créer un précédent en appelant la professeure. Je vais créer un précédent. Les gens vont vraiment comme ça. Il n'y a pas de nom de pâte dedans. Wow, hein? Oh, il était long, celui-là. Ah, mais c'était parfait. Oui, je sais, je vais aussi prendre en note plus tard. Donc, on a fini pour les actualités. Il y a d'autres articles, évidemment, mais là, c'est Jean-Philippe qui va nous amener et vous amener en société. Oui, tout à fait, mais on va passer rapidement. Lily Brunet-Saint-Pierre, dans sa chronique L'aplomb sur la tête, nous parle de dépression saisonnière et autres délires. Pas sur la tête, dans la tête. C'est quoi j'ai dit? L'aplomb sur la tête. Oh. Le jeu de mots est moins évident quand tu dis l'aplomb sur la tête. Ben oui, non, c'est l'aplomb dans la tête. Oui, merci. Oui, dépression saisonnière et autres délires. Est-ce que je crois qu'elle vient la faire comme tantôt? Oui, c'est pour ça que j'ai dit rapidement. Okay, donc, fait c'est fait. Faudrait, arrêter d'en parler comme là. On peut continuer. Déjà trop tard, là, je trouve. 8h30. On gâche, on annule sa chronique. Donc, ouais, 8h30, va être là. Passons rapidement à autre chose. Nicolas Gauthier, dans sa chronique Tout est bizarre. Les mots et les nombres, Stéphanie. Les mots et les nombres, Jean-Philippe. Certes. Ad hoc. Hein, lançons-nous des locutions latines dans le visage. Magna cum laude. Je sais pas. Hein? Ouais, ouais, ad nauseam, Mathieu. Aujourd'hui, on va s'amuser à faire de l'épistémologie. N'ayez pas peur, c'est juste de la philo. Donc, c'est l'étude de la nature, des origines, des moyens et des limites de la connaissance. Ça semble peut-être vraiment ennuyeux, mais c'est pourtant de la philosophie épique. Moi, ma branche, c'est la philosophie politique. Mais peu importe notre branche, peu importe ce qu'on vit, il y a de l'épistémologie. C'est conceptuel, c'est la fin de session, et chacun de nous s'apprête à suffoquer soit sous les mots, soit sous les nombres. C'est donc de ça qu'on va jaser. Des voilà. Mots et des nombres. Les mots et les nombres. Des chiffres voyelles et des lettres. Consonnes. Oui. Je suis capable d'en donner 4. 4 consonnes. Y a-t-il un dé? Il y en a 28. Stéphanie Gladu, dans Anthropologie moderne, nous parle des 10 commandements. Donc, les 10 commandements. Hey, j'ai pas pensé, je sais pas ce que je vais dire. D'habitude, je lis l'amorce. Donc là, je vous lis l'amorce. 2. Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Ah, c'est tout. En fait, elle entrecoupe son texte de commandement de Dieu. Oui, avec, genre corps, poitrine, puis ça, c'est commandement. Non, ça, c'est les c'est autres. Les commandes de Dieu, excuse-moi. Ouais. Hein? Ça commence son take-out. Ben, c'est ça. Fait qu'elle entrecoupe sa chronique de commandement ainsi que d'observation dans la vie de tous les jours de comment c'est niaiseux. Excellent. On passe. Next. Kevin Gaudreau, entre les deux pôles, nous parle de psycho avec changer le monde en créant la vie. Mm-hmm. Peut-être vous est-il déjà arrivé de vivre un état de bien-être après avoir utilisé votre créativité afin d'alimenter la vie autour de vous. L'être humain a un besoin fondamental de créer et il est possible que la créativité puisse vous faire vivre un sentiment de satisfaction personnelle. Plusieurs iront même jusqu'à affirmer qu'elle apporte un sens à leur vie. Mm-hmm. Toi, Jean-Philippe? Le sens est-ce à ma la, vie. Est-ce que la créativité apporte un sens à ta vie? Certes. Non. Ad hoc. Sors ton doigt dans les chlubs, dans les arts, tu vas savoir la direction de ta vie. Non. Oui. Et du vent par le fait. Ah oui, sûrement. Après ça, notre ami Sébastien Dulude, dans sa chronique « Va voir ailleurs, j'y suis », la vie est laide, entre parenthèses, Y. Je crois que c'est thumbs up. Oui, il faut le savoir, mais c'est un petit thumbs up. T'as l'air d'une mouette plus que des gros guillemets. JP fait des gros guillemets avec ses mains au complet comme une marionnette, comme si il y avait des marionnettes dans les mains. Oui. Bon. Donc, t'es tanné et tiré E de tout. T'as beau écouter des vidéos de chats, le cœur n'y est plus. Envie de baisser les bras, pacter tes petits et t'exiler loin de tout. Passer l'hiver en position fœtus. Non, c'est fœtal, là, mais j'ai le goût de dire fœta. En écoutant Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen sur Repeat. Ah, c'est dédié à toi, ça. Mmh. C'est bizarre qu'il met... Qu'est-ce qui est dédié à moi? Repeater Peter? Repeat. Mon Dieu, ça parlait tellement pas de ça. Non, je sais. Trait d'union E, ça, c'est la nouvelle forme du féminin pour pas le mettre en parenthèse, pour pas, genre, le stigmatiser d'être une femme, genre, le tanné. Mais comment ça que c'est pas vidéo de chat et chatte? Ah, ben ça, tu demanderas à Sébastien. Ouais, en tout cas, je suis un peu déçu. Mais Sébastien Duville va être de retour à Assemblage Requis dans les prochaines semaines. Lui qui fait petite sa chronique le même jour que Lily. Là, il va prendre un petit délai. Jusqu'à dans bientôt, là. Oui, tout à fait. Voilà. On a une lettre d'opinion, Stéphanie? Oui, je dirais même une chronique d'opinion. Oui, parce que ça prend toute la page. Mais écoute, pour vrai, j'étais comme moins. C'est vraiment long. Est-ce qu'on le met en deux parties? Mais je pense que la qualité du texte qu'on a reçu valait vraiment la peine de donner sa place au complet, puis de pas couper non plus pour que ça garde tout son sens. Je pense que ça valait vraiment la peine. C'est super bien écrit. Donc, c'est un étudiant de l'Université du Troisième Âge, M. Normand Leclerc, qui nous parle, de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, qui fête son 65e anniversaire. Il se demande, devrions-nous l'envoyer à la retraite, à la casse? Donc, vraiment, un texte très intéressant qui nous amène des belles réflexions. Mm-hmm. Liberté 65. Non. 55. Ça vieillit tout à l'heure. Dans la chronique loisirs, on a évidemment les jeux de société. Et puis, c'est bon ça, jeux de société. Oui, merci. Oui. Et puis on a la caricature. Non, c'est le. J'oublie tout le temps. L'illustration de Alexandre Laramise Wiki qui nous parle de Noël qui arrive tôt dans les centres d'achat. Oui, et dans les jeux, la réponse du mot mystère. Hey, comme chaque semaine. Non. Logiciel. On a également Hubert Sasson avec son fantasque qu'il faut absolument aller voir. Et c'est son avant-dernier, je te Oui, mon oui. Dieu, c'est son avant-dernier, ça fait comme quoi, 4 ans qu'il est là. Ouais, donc, je suis vraiment très nostalgique, là, présentement. Déjà. C'est fou, là. Oh. 89 ans, en effet. Espérons qu'on va garder Zwicky. Espérons, mais pour l'instant, ça va bien. Super! Ça va bien, mais on n'a pas eu d'avis contraire. Finalement, dernière chronique société, c'est Jean-François Veilleux avec Je me souviens au pouvoir citoyen qui nous parle de Docteur, j'ai mal à ma démocratie. C'est où ça? La démocratie, c'est à côté du. T'as pas fait tes cours d'anatomie? Puis comment ça s'appelle un professionnel qui soigne la démocratie? Un démocrate. Ah non, un républicain. Un démocratien. Les républicains, ils s'occupent de ça, la démocratie. Bon. Donc, en 1791, c'est trop loin, j'étais pas là, donc j'ai de la misère à lire ces dates-là. Donc, en 1791, l'acte constitutionnel signé par Londres donne à la province of Québec sa colonie conquise depuis 30 ans, sa première institution démocratique, le régime parlementaire. Or, ce parlement à caractère bicaméral, chambre haute et chambre basse, est aujourd'hui remis en question, notamment parce qu'il incarne le bipartisme, donc éternelle opposition entre deux partis, par exemple Whig et Tory. Première réflexion sur notre pseudo-démocratie. Donc, il va y avoir une partie 2 à ça, éventuellement, si je comprends bien. On a la moitié du journal de fait, on a 12 pages sur 24, il nous en reste 12, logique quand même. Avant de continuer en arrêt spectacle et en sport, on va écouter une petite chanson, une pièce musicale. Pourquoi pas? Une petite mélodie. Hier, on a écouté le nouvel album de On a créé un monstre, La dérive, dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Et l'extrait qui tombe sur le palmarès à partir de cette semaine, c'est Le corps est lourd, on l'écoute à l'instant. Le corps est plutôt raide et la gravité affamée. Tu as tout ton poids. Le vide a tout son temps. Et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Le corps est lourd, l'âme est légère comme une lame. Affaires, tu sais si bien le faire. On a créé un monstre et la pièce Le corps est lourd sur leur album La Dérive qui sort cette semaine. Donc, c'est sorti mardi. Mardi. Ils sont solidement bons, hein? Ben, quin. Parlant de solidement bons, Zone Campus, deuxième partie. On était rendu en arrêt spectacle et on commence avec la production Les Immigrés de Coïncidence Production. Oui, donc c'est une réflexion sombre sur la vie. Le jeudi 14 novembre dernier, Coïncidence Production était de passage à la salle Louis-Philippe Poisson. Oui, j'attends. Oui, merci. Oui, excuse. Le réflexe. De la Maison de la culture de Trois-Rivières a pu présenter la première médiatique de sa plus récente pièce de théâtre, Les Immigrés. Donc, l'atmosphère de la pièce incitait son public à la réflexion lors de cette soirée. Mm-hmm. Ensuite, on parle de la 8e édition d'Arborescence qui avait lieu le 20 novembre. Donc, loisirs, culture, tourisme, trois petits points et oh, point d'exclamation. Donc, c'est le mercredi 20 novembre dernier, dans le 10-12 métamorphosé en cirque burlesque qui avait lieu la soirée Arborescence 2013. Donc, c'est comme un vin et fromage revisité, organisé dans le but de présenter les talents artistiques des étudiants du baccalauréat en loisirs, culture et tourisme. Donc, la soirée, gratuite et ouverte à tous, a réjoui les spectateurs qui ont apprécié cette formule où on ne savait parfois plus où donner de la tête à travers les différentes prestations entrecoupées de numéros de cirque et d'animation. On continue avec la chronique littéraire « Mieux vaut en lire » de Marie-Hélène Gauthier. Donc, on parle de « L'ensorceleuse de Pointe-Lévis, le crépuscule des arcanes, tome 1 ». Donc, du roman fantastique contemporain au Québec, il n'y en a pas des tonnes. C'est donc une belle surprise d'en trouver sur les tablettes de nos libraires de temps en temps. Et encore plus quand il s'agit d'un tout nouvel auteur qui nous donne l'occasion d'explorer un nouveau monde. Ben oui. On poursuit avec l'univers envoûtant de Mark Berube ou Berube ou peu importe, mais pas l'accent. Berube. Il n'y a pas l'accent. Donc, c'est le 5 novembre, l'auteur, compositeur, interprète Mark Berube a lancé son 5e album en carrière, Russian Dolls. Je parle des modes, moi, là. Et il était en spectacle hier soir au Gambrinus, si je ne m'abuse. Il reste encore des cheveux, d'ailleurs, de sa touffe. Au Gambrinus. Ben, ça va compléter les jolies peintures de moustaches. Voilà, c'est poilu. Thomas Jensen était à la salle Louis-Philippe Poisson le 20 novembre. Oui, donc l'auteur, compositeur, interprète Thomas Jensen s'est présenté sur les planches de l'intime salle Louis-Philippe Poisson. De la Maison de la culture de Trois-Rivières. Il a interprété les chansons de son dernier album intitulé « Plus personne ». Donc, lors de cette soirée, il a fait plonger son mince public dans un univers totalement dérangé, disjoncté de la réalité. Est-ce que tu penses que plonger son public, c'est un jeu de mots avec la salle Louis-Philippe Poisson? Moi, je pense que oui. Les jeudis live du Nord-Ouest Café présenté avec podcast. Donc, oui, se balader avec podcast. Petit jeu de mots. Ben oui. Hein. Donc, le groupe avec podcast est monté sur la scène du deuxième étage du Nord-Ouest Café le 22 novembre dernier pour offrir un spectacle douillet devant plus de 100 personnes. D'après moi, il y avait de la ouate. Donc, le groupe a véritablement réussi à créer une ambiance atmosphérique lors de la soirée. Wow! Mm-hmm. Comme si on était présent. David Robert et son premier album solo. Aujourd'hui, mieux qu'hier, moins que demain, Mathieu. En effet, effectivement. Mais dis-moi en plus, Stéphanie. Donc, c'est David Robert Ricaneur, il est en grande forme, qui a offert à la salle Louis-Philippe Poisson. Bloup, bloup. Son premier spectacle, merci. GP, t'es là, toi. Eh ben oui, mais il va même plus vite que toi, maintenant. Ouais, je sais. Donc, oui, son premier spectacle à Trois-Rivières depuis le lancement de son album solo, Aimé quand même. Donc, le jeudi 14 novembre dernier, dans une ambiance conviviale et feutrée, la soirée à saveur folk, pop et poétique a duré 1h30 sans entracte afin que le public se laisse imprégner de la musique. Mm-hmm. Maintenant, une exposition, La route du derby d'Étienne Boisvert. On en parlait avec Alex Carignan hier un peu. OK. À peine, mais c'était au Centre culturel Pauline Julien. Bloup, bloup. Bloup, bloup, bloup, bloup. Pas tellement, elle. Voilà pour les arts et spectacles. Il nous reste seulement les sports avec JP. Oui, monsieur. JP. Donc, allons-y en soccer, masculin et féminin. Un bilan positif, Stéphanie? Donc, en football européen, un bilan de saison positif. Donc, les formations masculines et féminines de soccer extérieur des Patriotes ont connu une bonne saison, même si elles n'ont pas participé aux séries éliminatoires. Donc, on a un petit bilan de ce qui s'est passé à l'automne dernier, autant du côté féminin que masculin. Oui. Après ça, les Patriotes sont sur la bonne voie en ce qui concerne le badminton. Je sais pas pourquoi en ski. Il n'y a pas d'équipe de ski. Non, en ski. Les Patriotes. Oh, donc... Oui, Jean-Philippe, malgré que les Patriotes n'aient récolté aucune victoire depuis le début de la saison, on sent qu'ils sont sur le bon chemin alors que leur fiche s'améliore de tournoi après tournoi. Donc, étant une équipe d'expansion, le club ne peut pas compter sur des joueurs qui ont l'expérience du circuit universitaire, mais son esprit d'équipe et son dévouement au travail aident à sa progression. Mm-hmm. Donc, je pense que ça se comprend, c'est quand même tout nouveau cette année, mais avec la pratique... Tout peut arriver. Oui. Et il faut dire aussi que dans les autres équipes, c'est tous des joueurs d'une catégorie supérieure. Donc, c'est quand même pas pire s'ils réussissent à se défendre un peu. C'est des joueurs triple A. Oui, comme le bœuf. Oui, exactement. Bœuf Angus. Parlons cheerleading, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés chez les Patriotes. Effectivement, Jean-Philippe, la saison universitaire 2013-2014 de cheerleading est maintenant lancée. Donc, lors de la première compétition présentée au Collège de l'Assomption le 24 novembre, donc c'était dimanche dernier, les Patriotes se sont classés 5e au classement universitaire et 4e de leur catégorie, qui est de plus de 4 garçons. Donc, cette belle performance est notamment due à une préparation efficace et un entraînement complet. On parle aussi de la nouvelle structure de l'équipe qui est maintenant divisée en deux. Donc, si vous voulez connaître un peu plus la constitution de ces équipes-là. Et on nous parle aussi prochaine compétition à venir. Voilà. Et on va finir avec le hockey. Une victoire et une défaite. Oui, donc on fait un petit récapitulatif. Donc, le premier week-end, c'était le 15 et 16 novembre dernier. Ils ont affronté les Lancers de l'Université de Windsor, entre autres, oui. C'est ça. Oui, je pense que c'était deux fois contre la même équipe. C'est pour ça que je cherchais une autre équipe. Il n'y en avait pas d'autres. C'était deux matchs contre eux. Et voilà. Et puis, sinon, ben, finissons en disant qu'ils ont toujours été invaincus devant les partisans. Oui, donc à domicile, ils ont toujours gagné leur match. Donc là, on parle du dernier week-end, c'était le 22 novembre dernier. La formation masculine de hockey des Patriotes a connu encore une fois un week-end parfait à domicile. Donc effectivement, elle a gagné une 8e victoire de suite devant ses partisans, quand même. Quand même. Quand même. Allez les voir. Yes. Encouragez-les. Voilà pour les sports et voilà pour le Zone Campus, volume 9, numéro 7. C'est du 26 novembre au 9 décembre que ça va être en kiosque. Et je tiens à dire, il est vraiment beau, il est rose. Ben oui! Merci aux gens du carnaval d'avoir choisi cette magnifique couleur. Oui, ben on remercie en effet tout le comité au complet derrière ça. Et on remercie aussi Eltaouk pour la très belle pub qui fait avec. Je trouve que ça a l'air bon. Puis il y a des rabais. Et je voudrais dire à Cocotte que le rose lui fait très bien. Genre, il porte bien le rose. C'est vrai, oui. Wow, tu restes calme et embarque dans le jeu. Donc, retrouvez le carnaval sur la une Zone Campus le plus récent en kiosque partout sur le campus et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Et voilà! Voilà pour ça. On va prendre une petite pause et au retour, on parle enfin des soirées cachées, c'est fou. Ça commence ce soir, mercredi. Et on va enfin révéler qui va être présent lors de cette soirée-là. Ah, mon Dieu! Vous allez arrêter de me gosser pour le savoir. Non, c'est pas drôle, là. C'était rendu que je textais JP à minuit. C'est qui? Est-ce qu'on a des pistes potentielles? Est-ce que vous voulez lancer vos gageures avant la pause? Ah, j'en ai vraiment aucune. Il m'a déstabilisé. OK, on y passe pendant la pause. On dit on met nos mises sur la table au retour. All in! Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce mercredi 27 novembre 2013. Dans quelques instants, on révèle le groupe qui va être au soir caché, c'est fou de ce soir. Mais avant ça, on écoute Mark Berube. On l'a mentionné tantôt dans la chronique Zone Campus. Voici Confessions to a Street Light. Ça, c'est fou. Dans vos oreilles. Now the sun is spitting shadows as it pours through the blinds. And the room is suddenly a shade of gold. I can see your face lie on its side. A strand of hair across your eye. A flower in the early morning glow. Berube Bay, sûrement, et Confessions to a Streetlight. On lui demandera la prononciation officielle de son nom, mais moi, je présume Berube. Berube? Berube. Mais hier, on a appris que c'était pas un Québécois. Non, anglophone, canadien, anglais, genre. Oui. Oui. C'est OK. Effectivement, Mathieu. Tout à fait, Jean-Philippe. Roger. Oui. On t'appelle. Donc maintenant, c'est un moment spécial qu'on annonce depuis quand même longtemps et peut-être que vous avez entendu parler de ça quelque part, genre qu'aujourd'hui à 8h30 ou quelque, on allait révéler le groupe des soirées cachées. Enfin! Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle. Pour votre plus grand bonheur, hein, parce oui. que c'est moi qui travaille avec vous autres. tous les on jours. On te harcèle, hein? Oui, mais il y a eu une petite période où il y a eu moins de de titillage. Ouais, de pokage. Mais j'ai entendu dire Alain Lefebvre, directeur de programmation et animateur de rock classique, vendredi 13h, 11h, excuse-moi, fais ta plug comme faut, a dit qu'il t'a vu dans ton bureau avec une fille en train de compter du cash sur la table. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Peut-être que c'est un indice que tu lui donnais, là. Oui, c'est Johnny Cash qu'on reçoit. Elle est bonne, hein? Ouais, pas pire. Ouais, j'avais vraiment peur de pas trouver quelque chose de quickie. Spontané. Oui, de spontané. Non, écoute, ça n'a aucun rapport. Et ça, c'était pour le carnaval étudiant. OK, cool. Ouais. Écoute, on est avec des gens. On va les présenter d'abord, hein, puisque c'est le comité officiel cette année, puisque je suis plus officiellement dans le comité. Juste à titre de chapeauteur. Coach, un peu. T'es comme Éric Lapointe, là. Ouais, je suis comme le gars au hockey, le coach. Ah, genre, je souris jamais, j'ai de la gomme, puis j'ai toujours un veston. Je suis derrière le banc. Pas tant, là. Non, c'est ça. Donc, Sabrina Soucy. Salut. Hein, qui est responsable des soirées cachées cette année. Oui. Et Jonathan. Bon matin. Salut. Bon matin. Donc, qui est là pour assurer l'animation et tout ce qui va s'en suivre. L'animation. Oui, l'animation, ben oui, c'est ça. Ben oui. Pas mal juste pour ça. Trouver quelque chose de puncher et toutes les... Le sex appeal, mettons. Oui. Oui, ben oui, je m'occupe des deux. Oui. L'animation et le sex appeal. Le après chaud, c'est lui qui s'en occupe. Avis à tous. C'est le club 89.1 au lieu du club 281. Oh! Oh! C'est la soirée, la fameuse soirée de la relève. Là. La blague t'a bien finie avant que tu la gâches, mais bon. Non, j'avais vraiment une bonne blague, mais j'y arrive pas. J'essaie de réfléchir comment je vais faire mes transitions en ce moment. Donc, Sabrina, tu veux-tu nous parler un peu de la soirée de ce soir? Ben, premièrement, je tiens à dire que je suis folle comme un balai. Je suis complètement énervée. J'ai super hâte. Moi aussi, ça fait une couple de semaines que tout mon entourage m'achale pour savoir c'est qui l'artiste. Donc, on a hâte de vous l'annoncer. Puis c'est ça, c'est ce soir à 22h au pavillon Benjamin Sult. On va vous mettre des petites flèches pour vous indiquer c'est où, parce que c'est vraiment spécial, hein, ce pavillon. C'est un drôle de pavillon. C'est un pavillon qu'il faut connaître. Oui. Quand même. Ceux qui peut-être le sauraient, c'est genre les gens en or, puisque c'est leur salle de pratique. C'est là qu'ils ont fait un nouveau cube avec des couleurs sur le côté. Ben ça, c'est la galerie d'art. Ça, c'est la galerie d'art, mais c'est le même pavillon. Ça fait partie, exactement. C'est ça. Il est intégré. Ben en cave, au 007. Benjamin Sult. Oui, c'est ça. Et puis, là, on peut peut-être caler. Hein, je sais pas. Peut-être avec des indices. Est-ce que vous d'habitude, on aime ça. Fait que Mathieu, tu vas être le seul à jouer avec Lily. Lily, tu veux te joindre à nous pour essayer de deviner? Oui. Je me joins. Joins-toi. Parfait. Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant? Il y a déjà... Oui. Bon, le pavillon s'est révélé. Le pavillon. Comme indice, il y en a une couple qui m'ont échappé, je pense, dans les entrevues. Oui, à Radio-Canada, t'as dit que c'était un groupe qui est devenu... Ben, là, qui va être en formule duo. Oui, c'est ça. Donc, d'habitude, ils performent à 2-4. Okay. Donc, c'est un chanteur, un bassiste, un guitariste, un drummer. Non, c'est pas vrai. Un pianiste, un bassiste, un chanteur, guitariste et un drummer. OK. Donc, et voilà. Tu disais qu'on en parle beaucoup ces temps-ci aussi. Oui, quand même. Oui. Mais... Ça, c'était l'indice massue, je trouve. Oui, quand même. Ça, c'est quand même, ça, c'est quand même un des plus grands, un des plus gros indices. Je pense que on entend vraiment beaucoup parler de lui ces temps-ci. Est-ce que c'est sur le palmarès en ce moment? Non, ce n'est pas sur le palmarès en ce moment. Ça a déjà été sur le palmarès assez fou. Récemment? Francophone. Okay. Je te dirais cette année. OK. Écoute, par cette année, je parle de un an, parce que je me souviens plus là, si c'est arrivé dans l'été ou... De novembre à novembre. Ouais, c'est ça. À l'autre, parfait. Inclusivement. Est-ce qu'il y a un E, je crois, dans le groupe? Oui, il y a un E, puis ça serait un groupe originaire de Québec. OK. Et j'ai un autre indice à donner, peut-être, que ça pourrait vous aider. Anciennement, cet artiste-là faisait partie de la formation Les Ghouls. Ah ah! Oh! Peut-être que ça vous sonne une cloche. Je pense que c'est deux fois plus Mathieu. Buzzer! Là, je pense que j'ai pas le choix de l'avoir, là. C'est qui le coulant? Exactement. Oh oui! Enfin, c'est sorti! Oui, c'est sorti! Bravo! Donc, Kate Kuna qui sera là ce soir. C'est ça, en prestation duo. Juste avant qu'il parte pour les Europes. Hein, c'est je pense que c'est la dernière fois que vous avez l'avant-dernière fois que vous avez la chance de le voir, puisqu'il sera en spectacle également le 27 décembre. Mais c'est tout. Après ça, il nous quitte pour la France. Il quittate. Donc, très, très, très bon spectacle qui va être, plus version intime, puisqu'il va être accompagné de son pianiste. Donc, c'est pas la formule habituelle. Là. Ceux qui l'ont déjà vu seraient pas supposés d'avoir déjà vu ça. Okay. Pour ceux qui ne replacent pas sa face, c'est le gars dans un gala récemment qui avait l'air déprimé quand il a pas gagné. Là. Oui, ça, c'est à la disque. À la disque. Mais contrairement à la disque, au Gamic, il a gagné. Il a gagné pas mal de choses. Des grands honneurs quand même à ce gala-là. Oui, exactement. Mm. Donc c'est vraiment un spectacle à aller voir. Hein? On est, oui. Moi, je suis fou comme la marde. Oui, belle excité aussi. Oui. Nouveau slogan pour ces fous d'ailleurs, fous comme la marde. Fous comme la marde. Sans l'odeur. Donc, comme traditionnellement l'année passée, ceux qui connaissaient un peu le concept, dans le fond, on vous accueille à 22h. Oui, avec c'est ça. Une première partie. Mm-hmm. Cette année, cette fois-ci, c'est... C'est. Olivier Lessard. Ah, oui, ben oui. Et puis, encore une fois, permis d'alcool. Donc, il va y avoir de la bière sur place. Puis, voilà. En canette. En quinette. Mais en quinette de bière. Oui. Donc, 22h au pavillon Benjamin Sud. On va aller écouter du Kid Kuna. Tiens, je vous. Est-ce que quelqu'un a un consensus de pièces à aller entendre de Kid Kuna? Parce que moi, je suis pas prêt à l'avance. Je savais pas que c'était ça. Ben non. Pour une fois que c'était vrai, que je savais pas. Ben, qu'est-ce qui tente à quelque chose qui bouge? Parce que, dans le fond, son CD est assez. Downer. Ben, ça dépend. Moment. Ça dépend des chansons. Mais tic-tac. Ouais, oui, allez-y. Tic-tac, c'est bon, c'est bon. Moi, je l'ai vu au Centre culturel Pauline Julien. OK. Et puis, pour de vrai, même ces tunes un peu plus slow, par exemple Batiscan, elles sont assez tellement intenses en spectacle. C'est pas comme. Pas comme je vais jouer la chanson, je sais pas. On revient et on en reparle après les soirées gâchées, c'est fou. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Égypte, en Syrie, en Somalie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus fort. Tic-tac de Kid Kuna qui sera en prestation ici à l'UQTR ce soir. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, on a de la bière. Et puis, rapidement, juste pour clore le sujet des soirées cachées, oui. Puisque j'ai présenté Sabrina, oui. Souci. Et Jonathan. Jonathan, Côté. Oui. Et puis, il manque quelqu'un. Il manque Camille Goulet aux communications. Oui. Elle est en train de communiquer. Dans l'autobus. Dans l'autobus. Non, mais pour vrai, l'autobus qui s'est malheureusement pas pointé à l'heure, comme 30 minutes en retard, qui voulait être ici, mais que vous allez voir courir potentiellement toute la journée dans le QTR en train de poser des affiches, en train de dire à tout le monde qu'il y a un show ce soir. C'est quand même drôle que c'est toi qui a mis Goulet, puis que le gars qui Goulet, t'es dans les Goules, tu sais. C'est ça, c'est drôle, hein? Oui, c'est très drôle. Oui. C'est oui. Pas drôle. Ils ont de quoi comme un peu drôle. Oui, ça, un peu drôle. Mettons, sur un niveau de 1 à 10, la joke est dans 3. Okay. 3. Ah, ça, c'était un 2. Qui dit mieux? C'était même quasiment fin, ce 3 pour cette joke-là. Donc, Lily, Brunet, Saint-Pierre, qu'on est aussi en studio, t'as fait une petite vidéo pour promouvoir ça. Et Caroline, félicitations. Je te le dis là-même, c'est ça. Ben, c'est fin. Ben, oui. Oui, parce que c'est vraiment un... C'est une vidéo? Oui, c'est une vraie vidéo. C'est une pour vrai? Ben oui. Fait qu'il faut dire ça comme les Français. C'est ça. Le français me dégoûte. Ah. Oui! Ouais, j'aime pas ça. Les Français me dégoûtent, tu veux dire. Donc, Lily, t'as fait un court-métrage. Ben là. Je peux pas dire vidéo. Ouais, un court-métrage de 47 secondes. Mais que, oui, mais qui est très bon, qu'on a posté sur C'est Fou. Oui. Et sur, on l'a-tu fait sur Assemblage Requis? En tout cas, il est sur C'est Fou, puis Soirée Cachée, C'est Fou. Je me souviens plus si je l'ai fait sur Assemblage Requis. Je le ferai si c'est pas fait. Ben ouais, on le mettra. Ouais. Oui, merveilleux. Donc, toi, t'es pas dans le comité des soirées cachées? Non, c'est ça. Je suis un cours de développement créatif. OK. Super créatif. Puis là, notre dernier travail, il fallait faire une capsule publicitaire pour n'importe quoi. Donc, ça et pouvait... c'est fou, c'est bien n'importe quoi. Ben, ouais, quand même. Il y avait plus de n'importe quoi que ça, quand même. Mais ça pouvait être sur quelque chose d'inventé, de non réel, quelque chose de réel, n'importe quoi. Là. Ça pouvait être un produit, n'importe quoi. Puis là, j'ai vu l'événement que je connaissais pas, les soirées cachées. Je savais pas pantoute c'était quoi. Puis là, j'ai vu ça, je trouvais ça génial. Puis là, j'ai dit, tiens. Puis là, c'était Camille Goulet aux communications. Je disais, hey. Man. Je vais essayer ça, tu sais. Je pourrais faire une vidéo, ça serait le fun. Puis on va voir, puis on a développé une petite idée, puis on a filmé ça le soir à l'QTR. On a essayé de rendre ça intriguant. Parce que c'est très intriguant, les soirées cachées. Mm-hmm. Génial. Donc, encore une fois, félicitations. Et pour vous deux, Sabrina et Jonathan, vous êtes dans le comité, donc dans l'équipe officielle. Donc, toute l'année, on va vous retrouver à chaque fois qu'il va y avoir une soirée cachée. L'année scolaire, on s'entend. Oui. Pas nécessairement d'ici la fin de 2013. On sait pas. Il n'y a rien annoncé. Ouais, c'est ça qui arrive hein, avec les soirées cachées. C'est ça, c'est caché. C'est pas pour rien. Donc, on va vous retrouver ici à Assemblage Requis pour dévoiler ça à 8h30. Oui, bien sûr. Le jour sûr. Même. Oui. On vous remercie et bonne continuité dans ce projet-là. C'est super le fun. Merci à vous. Puis, venez ce soir, 22h, super important. Oui. On a travaillé fort là-dessus. Oui. Puis on souhaite que vous soyez là. Bravez la tempête et venez nous voir. Oui, c'est vrai que ça ne doit pas aider sur la tempête, mais quand même, persévérez 22h au pavillon Benjamin Sult. Et puis, si je peux faire un petit retour historique, l'année passée, le premier Ben qu'on a eu, c'est la descente du coude. Oui. Et puis, il faisait vraiment tempête quand on les a reçus. Fait que, historiquement, à chaque première soirée cachée, il faut qu'il neige. Ben, faites pas la première soirée en novembre, fin novembre, au pire, non? Juste ça de même, ça. Ouais, ben là, c'est ça. À cause de nous, il va neiger au mois, genre, de quoi, octobre? Octobre. Octobre. Octobre. Octobre. Bon, ça va faire. Oui. Je pense qu'on va aller entendre une autre pièce avant de continuer, parce qu'à un moment donné, le temps file, il faut passer à Lily Brunet-Saint-Pierre et sa chronique L'aplomb dans la tête. On s'en va entendre une nouvelle pièce de la formation Lucius sur l'album Wild Woman. On va écouter Turn It Around. C'est tout nouveau. Et ça a l'air bon. Ça a l'air bon. On me dit que c'est bon. Moi, je fais confiance aux gens. Hein? Turn It Around, tout de suite. 89 FM. Turn Around. Wow! Que des hits! C'est fou, 89 FM. La numéro 1. Dans nos cœurs. Oui. retour, Lily Brou de Saint-Pierre et la plombe dans la tête à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Ponce. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me présenter. Ben oui, ça fait plaisir. C'est la formule de l'émission. Merci aussi à toi de l'avoir faite pour moi. Hein? Hey, hein? Ah, on se complète, là. Ben oui. Comme dans toutes les émissions de radio. C'est pareil. C'est bien. Donc, toujours avec Stéphanie Paradis aussi. Oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Ah, oh, excuse, je t'ai volé ton punchline. Ben oui. C'est yeah! Jean-Philippe qui fait ça. Ah. J'ai volé le tien. Hey. Oh. Moi, j'en ai pas de patois. Ben non, c'est ça que j'allais dire. T'as donc même pas de personnalité, Mathieu. Merci. Mange du cheese whiz. Ah, la personnalité. Donc, toujours aussi avec Lily Brunet-Saint-Pierre. Toujours bonjour. Ben, bonjour, bon matin. Bonjour à reprise, prise 2. Et on te reçoit à chaque prise 2. Je sais pas. Une nouvelle émission. Oui, ben c'est ça, l'émission des reprises, la prise 2. Ben oui. On devrait faire ça. Donc, Lily Brunet-Saint-Pierre, la plombe dans la tête que tu écris dans Zone Campus à chaque numéro, donc aux deux semaines, et tu présentes ton texte à Assemblage Requis ici même. Donc, on va réagir à ça une fois que tu vas l'avoir lu de ta voix là, matinale. Oui, ma belle voix de camionneur. Arrête. Des cigarettes. Oui, voilà, cette semaine, c'est un peu n'importe quoi. OK. On va le dire. Ben, si on est averti à l'avance, au moins, on peut pas mettre la barre trop haute. Bah, c'est ça. C'est pas une forte réflexion. Écoute, j'étais juste déprimée par l'automne et autre chose. Fait qu'on y va comme ça. Alors, mes deux dernières chroniques furent lourdes en émotions et en critiques, et la mi-session se faisant sentir de plus en plus, j'ai ressenti le besoin de décrocher, comme on dit. Commande un peu de légèreté, me suppliais-je intérieurement devant une autre sempiternelle discussion argumentative sur Facebook. Chut, me consolais-je devant la première page du Nouvelliste. Quand les électeurs du Québec en entier te déçoivent, fais-toi des biscuits, ouvre la télé et attends 4 ans. C'était mon mood des deux dernières semaines. Ouais, c'est positif à mort. C'est pas le fun. Je dois avouer que je suis de celles qui ont besoin une fois par semaine de ramener consciemment leur cerveau en bas de 70 de QI, retard mental grave. Nous avons tous nos engins de décrochage, nos mécanismes de pause cérébrale, des mécanismes de fuite ou de défense, dirait-on en psychologie. On dit que le sommeil, le déni et le refoulement sont des mécanismes de défense plutôt immatures. Les miens sont beaucoup plus évolués. Écouter des téléséries en mangeant du pop-corn, cuisiner pour une armée souvent absente, la lecture de niaiseries sur les internets, l'application obsessionnelle de vernis à ongles, parfait, ils doivent être parfaits, mon précieux. Et plus récemment, le tricot compulsif. Compulsif parce que je ne suis pas capable d'arrêter, c'est comme tomber dans la lune et ne pas vouloir en sortir. Une maille, deux mailles, trois mailles, gna gna gna. La déficiente en moi est aux anges. Peut-être aurez-vous remarqué que fixer sur quelque chose de précis, bien que complètement inutile, peut s'avérer hautement relaxant, voire rassurant. J'ai effectivement une impression de contrôle pas mal plus forte avec mon tricot et la couleur de mes ongles qu'avec mes résultats d'examen. On redevient comme un enfant content de soi parce qu'on a réussi une tâche niaiseuse. Ça fait du bien, après tout, on ne termine tellement plus rien aujourd'hui. Quand on termine un travail, il y a encore de l'étude. Quand on termine un chiffre au boulot, on recommence le lendemain. Même quand on achève un baccalauréat, c'est pas assez. Personnellement, ça s'applique vraiment avec un baccalauréat en psychologie. C'est rendu grave quand juste à terminer Breaking Bad, on se sent compétent. On voudrait une attestation à écouter les 62 épisodes de Breaking Bad en anglais dans une période record de 2 mois avec la mention « Excellence ». On sous-estime réellement le bien-être et le sentiment de compétence que ça peut apporter que de faire soi-même certaines tâches de base. Par réflexe, on paie quelqu'un pour les faire à notre place dès qu'on en a l'opportunité, mais pensons-y, quand on fait son changement d'huile soi-même, on doit se sentir pas mal moins niaiseux chez le garagiste. En tout cas, j'imagine, parce que je fais pas mes changements d'huile. J'ai pas l'équipement. Personnellement, j'ai toujours ressenti un léger sentiment de réussite à ouvrir un galon de lave-glace. Avec des mitaines, c'est décuplé. Juste quand je vérifie mon huile, je me sens comme G.I. Jane. C'est vraiment pas facile d'ouvrir un galon de lave-glace. Il y a comme vraiment une technique, tu sais. Faut peser sur le petit cossin en plastique pour que ça tourne, puis là, il neige, puis en tout cas, c'est pas facile. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça? Parce que c'est vraiment. Tu sais, c'est de quoi tu te dis, je vais m'acheter du lave-glace. Ouais. Juste pour l'essayer. Puis t'es là, tiens, super relax, je sais où mettre mon lave-glace, je suis en business, tout. Mais t'es pas capable de l'ouvrir. Là, t'as vraiment l'air épais. Mais j'ai vraiment déjà passé un bon 10 minutes à essayer ben oui. de péter le petit bout de oui. plastique. Puis je suis comme, je comprends pas, ça marche pas. Hey, ils sont capables de faire des peintes de lait qui s'ouvrent facilement. Mais c'est ça, tu te dis exactement ça. Ben tu te oui. dis, crème, c'est comme une peinte de lait, tu sais, t'arraches le cossin en plastique, puis ça marche. Mais non, faut que tu pèses dessus pour qu'il puisse passer. En tout cas, puis là, quand tu réussis, t'es comme. Yes! Étape 1. Pour faire le fameux coup du tournevis. Tu plantes ah le oui. tournevis dedans puis tu essaies de galonner ça. Okay. Puis l'étape 2, c'est d'essayer de mettre du lave-glace pendant une tempête. Oui! Il y a des rafales à genre 80-100 km/h. Puis tu te rends compte, fuck, le lave-glace pogne dans le vent puis il tombe pas dans le trou. Je suis en train de perdre la moitié de ce que j'ai payé. Mais vous savez qu'il y a un truc avec les galons de lave-glace, c'est le verser à l'envers. Oui, c'est pas le verser dans le sens, oui, verser oui, oui. dans le sens de l'anse du truc. Là. Oui. Ça va vraiment bien. Ah, ouais. Ça empêche l'air de faire blou, blou, blou, blou, blou, blou. OK. Très belle imitation. Comme ton blou-blou de tantôt. Là. Hey, d'ailleurs, vu que j'ai écrit G.I. Jane, j'avais jamais vu le film. Non. Puis j'ai dit, tiens, il faut être conséquente. Fait que j'ai écouté cette semaine. Demi Moore, cheveux rasés. Non, mais c'est vraiment traumatisant, ce film-là. Ouais. C'est effrayant, en tout cas. c'est vraiment spécial, là. Tu sais, des capitaines d'armée en mini-shirt beige. Wow. Avec un gros cigare qui sont censés être hyper virils, mais qui ont vraiment l'air drôles. Ah non, c'est spécial. Mais Demi Moore est en forme en maudit. Tu veux qu'on le regarde? Tu nous conseilles? Ou pas? Ben moi, ben, tu sais, j'ai aimé ça, mais c'était une pause cérébrale, comme je parle depuis le début. Fait qu'allons-y, si ça vous tente de vous divertir, ça fait très bien la job. Demi Moore est belle à voir s'entraîner, ben. Je vous le dis. Bon. Alors, ces moments de pause que l'on s'accorde volontiers ces jours-ci ne sont pas sans rappeler la tendance hautement étudiante à la procrastination. D'autant plus que la météo s'y prête assez bien ces jours-ci. Je me répète le même mot en deux phrases, championne. Bravo. Je me demande même si on peut appeler ça des jours, un 24 heures devant fret et de ciel noir. Je me dis parfois, et je ne suis pas la seule, que la dépression saisonnière aura finalement raison de moi et de toute parcelle de motivation pouvant m'animer. À chaque mois d'octobre, alors que le soleil se couche au moment où l'été, la soirée commence, j'en viens toujours à la conviction qu'après tout, nous ne sommes que des mammifères québécois en hibernation, qu'il devrait, selon toute vraisemblance, être tout à fait naturel de nous mettre à manger de la soupe et des biscuits en quantité astronomique, de nous rouler dans notre couette et de dormir 15 heures par jour. Tout le monde sur le chômage pour 4 mois, distribution de ragoût de boulettes à domicile, Walt Disney puis un chai latte. Merci, bonsoir. Mais non, il y a les cours, les travaux, la vaisselle qui s'empile, les plastiques à poser dans les fenêtres, beaucoup de plaisir. Ah oui. Les pneus à changer, le linge à plier. Tant qu'à n'avoir aucun contenu digne de ce nom dans ma chronique cette semaine, pourquoi ne pas vous faire part en toute collégialité que je n'arrive absolument jamais à avoir le dessus sur ma pile de vêtements qui règne sur la sécheuse? Je me suis demandé sérieusement ce qu'il me faudrait au juste pour que je plie finalement tout ça. J'en ai conclu qu'il faudrait qu'au moment où j'entre dans ma chambre, il n'y ait qu'une montagne de vêtements sur le lit, rien d'autre, aucune musique, et pour une unique éclairage, des néons ultra-agressants blancs au plafond et une ambiance conséquente d'interrogatoire est-allemand. J'entendrai un général d'armée, celui de Full Metal Jacket de préférence, me crier après agressivement par trois énormes haut-parleurs de la Deuxième Guerre mondiale. Comme ça, ouais, je serai productive. Do you maggots understand that? Sir, yes sir. PS, je vous encourage à adopter la vitamine D à un comprimé par jour à partir de maintenant. C'est ce que tu fais? Est-ce que ça te remet... Ben oui, je le fais pour vrai. Mm-hmm. Oui, suite à un cours de psychophysiologie où je me suis fait dire... Tu sais, quand tu te fais dire dans un cours universitaire de prendre une vitamine D, là... Tu crois certain... plus ça que ma tante chose qui dit « La vitamine C, prends-en! Mange des oranges! » Coupe tes bouts de jambon! Ah ouais, non, ouais, pour que ça rentre dans toi. Comment ça, t'as eu la même histoire? Je pensais que c'était une histoire privilégiée. Vous êtes frère et soeur! Vous saviez pas que vous êtes frère et soeur! Hey non, c'est vieux comme le jambon. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, bref, la vitamine C, on n'est pas supposé prendre des compléments parce que dans notre nourriture, on peut en avoir. Mmh. Mais de la vitamine D, c'est plus difficile. Puis c'est vraiment apporté par le soleil. Puis la vitamine C, de toute façon, elle n'est même pas stockée dans le corps, donc tu la... C'est ça, c'est ridicule de prendre ça. Fait que mange des oranges puis d'acide. Tu l'évacues. Ben, tu l'évacues d'une façon qui commence aussi par la lettre C. Ben, pas nécessairement. Ah. C'est une blague de... Oh, Mathieu, tu fais juste des caca, toi. Ah! C'est le punch par très bon cadre. Bravo. Bravo. T'es dans l'équipe officiellement. Bravo. Quand tu m'insultes, t'es dans l'équipe. Ben oui, c'est ça, c'est plate. Parce que j'insulte tout le monde aussi. Mais non, ta chronique est vraiment très, très bonne. À chaque fois que tu me dis, tu commences tout le temps négatif, ben, je pense que c'est ça ta technique. Hein. C'est que tu veux vraiment comme nous dire qu'elle va être exactement vraiment poche pour qu'on te trouve ouais, wow, tellement bonne. T'sais. Préparer le terrain. Voilà. Non, en fait, c'est que dès que je parle pas d'un sujet sérieux puis que je fais pas l'hommage d'un organisme communautaire, je sens que j'écris pour rien. Mais c'est ça, j'imagine que ça a peut-être, je dis n'importe quoi, là, mais ça a peut-être rapport avec des commentaires que tu as eus, Facebook et autres, blogs ou peu importe, que des fois, quand il faudrait que tout soit absolument genre super informatif, sérieux, contexte universitaire, nanana, faudrait que ce soit... Comment, il peut y avoir aussi un petit peu de légèreté. Hein? On a le droit dans un contexte ça, universitaire. C'est ça, je me dis ça moi-même, comment, un peu de légèreté. Ben oui. Tu vois bien que c'est dans mon caractère de pas être légère. C'est ça. Je suis lourde. Lourde. Je suis lourde. Lourde. Je suis lourde. On te retrouve malheureusement seulement aux deux semaines. Ben donc, oui. Donc, dans deux semaines. Oh. Dans deux semaines. Mon prochain article, il est écrit depuis l'été passé. Okay. Il est-tu lourd? Non. Oui. Mais dis-nous pas qu'il ben va être il est lourd, mais bon, tu sais, j'ai hâte de vous le montrer. OK. Tandis que ça, j'avais pas tant hâte, là, tu sais. Ouais. C'est comme mais quand bon, tu reprends une troisième assiette de lasagne, tu sais. Tu finis, tu te sens lourd, mais tu sais, t'es quand même content, tu sais. T'es quand t'es heureux. Ouais, j'aime bien la métaphore. Moi, j'essaie de trouver quelque chose de. Tu sais, quand tu manges, c'est lourd. Oui. Ouais, c'est ouais, ouais, mon nouveau nom sur Facebook, Lily, troisième assiette de lasagne. Oui. Ça serait parfait. J'aime aussi métaphore, tu sais. Fort comme. T'as benché quelque chose. T'sais. Ouais, je benché. C'est lourd. C'est, donc, t'es métaphore. Ouais. You know. You know. Hey, métaphore, métaphore, tu sais. Ah ouais. Super. Bon, on okay, va se construire un fort. Au prochain etc. lien, super intelligent. Alors, deux semaines pour une autre, l'appelons dans la tête. Lily Bougnet-Saint-Pierre. Ouais, merci. Merci. Allez, il nous reste une vingtaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui. Une petite chanson de Rouge Pompier. Fait qu'on écoute ça. Et puis après ça, ben, ça va être sexuel, ça devrait pas, là. Sur C'est Fou, 89.fm. ça te fait aller la couette sur un méchant temps. Hey. Sur un méchant temps. Sur un corps de tour. Oh oui. Donc c'était, on vient d'entendre Rouge Pompier avec leur chanson titre Rouge Pompier. Il y a un nouveau vidéoclip qui vient de sortir pour ça. Ouais. Ouais. Hey, avez-vous passé les camions? Oui, il me semble. Il était, moi, je l'ai vu passer. Il était quelle couleur? Je pense qu'il était rouge pompier. Je pense. Toujours en compagnie de Lily Bruno-Saint-Pierre, on l'a gardé un petit peu plus longtemps que d'habitude pour parler du Salon des métiers d'art. Ben oui, je me suis dit, tant qu'à faire, ça commence aujourd'hui. Mm-hmm. Par exemple, je sais que c'est le montage des kiosques, mais je sais pas s'ils vendent à partir d'aujourd'hui. Okay. Là, pour être certain, moi, j'irai peut-être demain. Mais voilà, c'est à la Maison de la culture. Fait que ça doit être au deuxième étage, en haut de la bibliothèque. OK. Voilà. Mm-hmm. Puis c'est ça, je pense qu'il y a plusieurs artisans qui font partie des métiers d'art. Là. Donc, toutes des choses faites à la main. Mm-hmm. Fait qu'avant Noël, je trouve que c'est une belle occasion de donner des cadeaux faits à la main. Par. Je peux vous confirmer que ça commence demain. Oh, c'est du 28 voilà. novembre au 1er décembre. Quand le journal est plus rapide et qu'avec c'est... Google. Ah! Moi, je suis en train de taper. Tout le monde voulait aider. Et c'est effectivement au-dessus de la bibliothèque, au centre d'exposition, Raymond Lagnier. Ah, et la salle Louis-Philippe Poisson. Ah ben oui, parce que c'est quand même petit, ça. Là. Et donc, dans le fond, je pense que ça doit être comme tout le deuxième étage. Ouais. Hein? Mais c'est intéressant, c'est ça. Moi, je suis personnellement, mes parents sont artisans, puis je suis jamais allée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de publicité pour ça. Il me semble ouais. que... Mais peut-être que dans le domaine, c'est de se connaître, mais... Pour le grand public, ouais, peut-être un petit peu c'est plus ça, moins. Pour le grand public, c'est quand même intéressant, là, offrir des cadeaux, tu sais, faits localement par des gens qui vivent de ça. Là, je trouve que ça vaut la peine au lieu d'aller aux rivières puis d'acheter certificat cadeau. Une cochonnerie. Ah oui. Hein? C'est vrai, ça. Fait qu'aller acheter des affaires à mes parents. C'est correct, ça? De tes parents, pas pour je vais avoir plus qu'une orange, moi, à Noël. Fait que c'est ça. Tes parents, ils vont arriver et vont avoir reçu un cadeau qui a été fait par eux-mêmes, mais tu sais, les gens ne le sauront pas. Ils vont aller acheter au Salon des métiers d'art les cadeaux de tes parents, ils vont les donner à tes parents. Ouais. Comment? De toute façon, si tu savais comment mes parents donnent de leur stock à personne n'est. Tout le monde est allé dans la famille, tu sais. Oh, un Inuktuk en verre! Merci. C'est vraiment fun, ça! T'aurais pas dû! Depuis tout à l'heure, on a arrêté les échanges de cadeaux. Ouais. Mais allez faire un tour fait qu'à la Maison de la culture, ça vaut la peine peut-être de juste aller jeter un œil. C'est du bien bon monde, les artisans. À partir de demain, jeudi le 28. Oui, voilà. Promis, je vais être là. Hey, super. Ben, peut-être pas les 4 jours, mais je vais y aller. Mais ça vaut la peine, c'est vraiment du monde smart. À la place d'aller gosser des affaires, elle va gosser c'est... le monde. Moi, je te gosse. Moi, je gosse du monde. Ouais, c'est ça. Salut, qu'est-ce que tu vends? Salut. Je suis sûre que je serais bonne pour les gosses. Ouais. Tu t'en vas puis t'achètes rien puis tout le monde est là. Oh, l'amour. Stéphanie Paradis. Je vais revenir demain. Merci, Lily. Merci. Génial. On va continuer, on est rendu à passer notre dernière chronique de la journée, c'est-à-dire... il en reste une avant qu'on aille à notre chronique maison sexe, mais ça devrait pas, on l'a. C'est ouais. la deuxième partie des péripéties de... JP! Les péripéties de JP, épisode 2. JP nous révèle le secret de la caramilk. Malheureusement, c'était au moment où l'émetteur de Sifu était KO. C'était l'épisode 2 des péripéties de JP. Remix! Remix! Ouais, donc c'est ça, il y a eu un bruit d'émetteur il y a quelques semaines de ça, et à ce moment-là, JP avait choisi cette case horaire-là pour dévoiler enfin le secret de la caramique. Ben oui! Ben malheureusement, on le saura pas. C'est les seules preuves qu'on a. Ben oui! Combien de temps est-ce qu'on peut supporter un gji avant de le savoir, c'est quoi le secret? 3-4 jours. Au moins 9 secondes dans le montage. Oui, mais dans la vraie vie, 3-4 jours. À peu près 3-4 jours. Mais bon, donc on retrouve les péripéties de JP à chaque semaine ici à 9h les mercredis. Ben là, on le fait un petit peu plus tard, mais quand même. Bon, l'important, c'est que ça passe. C'est ça. Ouais. L'important, c'est que ça passe, comme elle disait hier. Qui ça? Oli. Oli, le, Olivia. Oui. C'est... Hein? Hein? Hein? Je sais plus. Hein? Bon. Donc voilà pour les péripéties de JP. Un remix en plus de la trame de son, Mathieu. Qu'est-ce que t'en penses? Wow. Pense? Wow! On se donne ou on se donne pas, man? Ouais. You know? Incroyable. You know? Donc voilà, il nous reste seulement notre dernière chronique. Et là, c'est vrai, on y va avec ça parce que c'est moi, une de mes chroniques préférées. Et Caroline, il ne fallait pas passer à côté. Donc voici, ça existe pas cette note de réponse, là. C'est ma préférée, moi aussi. Bon, tu vois. Moi, toi? Moi. Ben, c'est juste toi l'importante. Oui, moi. Moi. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des gadgets insolites, ridicules, inutiles. Certains diraient. Moi, par contre, je trouve qu'ils viennent régler des problèmes. Donc, on va s'en trouver pour pouvoir mieux les régler. Hein. C'est ce qu'on fait. Commençons avec, tiens, l'homme de votre vie ou en fait, une personne qui aime être confortable. Ça peut être gars ou fille. Aime les Lazy Boys, mais les Lazy Boys, c'est cher. Hein. On j'imagine, j'en ai jamais magasiné personnellement. Ben, en tout cas, quand tu regardes ça, c'est cher. Donc, il te faut la salle, la chaise gonflable. Voilà, c'est la Everything Chair. Chaise gonflable, confortable pour la personne paresseuse qui a déjà tout. Donc, vous avez qu'à faire à gonfler cette chaise-là avec la pompe à pied qui est déjà incluse. C'est 36 par 36 par 36, donc un genre de cube de chaise. Et il y a un truc pour tenir des canettes à l'intérieur. Il y a des poches dans les côtés pour pouvoir mettre des magazines, des disques de jeux, des télécommandes de jeux vidéo. Et il y a une paire de haut-parleurs dans le truc pour la tête, le dossier, l'appui-tête. Incroyable. Gonflable. Mais en vrai, j'aime pas ça. Sur le côté, on voit tout ce qu'il y a dans le petit range. Magazine, oui. Ça j'avoue. Fait... Tu peux pas mettre tes magazines Playboy, tu sais. Ben oui, mais à l'intérieur de l'actualité et de, et de protégez-vous. Du Writer's Digest. Mais de toute façon, je pense que... Ouais, c'est drôle, hein? Protégez-vous. Ah! Ah oui, bonne. Oui, je trouve. Bien plugué. Ouais. Donc, non, c'est ça, c'est une chaise gonflable. Donc, j'imagine que quand t'es tout nu pour faire ce que t'as à faire avec des magazines de fesses, ça doit pas être très, très confortable, justement, pour les dites fesses. Ouais, ça doit coller. Oui. Et ça inclut un kit de réparation pour s'il y a des fuites dans votre truc si gonflable. Si jamais t'as perce. Mais c'est comme de dire que ça va être que ça va percer, ça. Oui, ouais. Si jamais t'as pine avec une aiguille. C'est pas rassurant, oui, c'est ça. Donc, ça vient de chez Convenient Gadgets and Gifts pour 90$ américains. Ensuite, tiens, c'est un stand pour téléphone cellulaire pour prendre des photos panoramiques. Donc, vous pouvez prendre des photos, évidemment, avec votre téléphone en le tenant devant vous et en faisant un tour sur vous. Mets le doigt devant, mets le doigt derrière. Je fais tout petit tour. Ta-ta-ta-ta. Je connais pas la chanson. Je vais en avant. La, la, la. GP, OK. C'est pour ça qu'on a inventé le Radiant Modo Studio. C'est un accessoire qui vous permet de prendre des panoramas parfaits à chaque fois. Non, en fait, ça, c'est le nom de la compagnie. L'appareil s'appelle le PanoPal. C'est un stand motorisé avec une télécommande et ça fonctionne sur iPhone et Android. Il y a même un petit trépied pour pouvoir le mettre sur une surface stable, évidemment. Et PanoPal est sur Kickstarter. Il faut donner 35$ américains pour avoir le vôtre. Est-ce que vous avez regardé un petit peu la vidéo? Hein? Oui! Ça va bien fonctionner. Je pensais en fait que c'était à billes en dessous, tu sais. Mais c'est vraiment... Encore une joke de cul, ça, si tu te frottes la bille. Tout le temps, tout le temps. Mais finalement, le socle est stable. Puis c'est vraiment... Il est en deux parties, puis c'est la partie du haut qui bouge. Et voilà. Incroyable! Mais frère! Appelez dans les 30 prochaines minutes et vous en recevrez 1000! Oui, 2000, 3000, sans limite! Vous connaissez peut-être le système d'ordinateur Raspberry Pi, c'est une plateforme donc qui avec quand même des applications intéressantes. C'est pas gratuit, c'est comme un minuscule ordinateur, mais qui contient beaucoup de puissance pour un très petit prix. Bref, ça permet aux gens de tous les âges d'utiliser un ordinateur. Et maintenant, on peut utiliser le Raspberry Pi pour monter soi-même son propre ordinateur. C'est le Map Project Office qui a collaboré avec Kano pour créer un kit d'assemblage d'ordinateurs maison. Et c'est presque aussi facile à assembler que des Lego. Oh. Avec un clavier sans fil, clavier pavé tactile inclus, bouton à couleur, donc c'est parfait pour les enfants. Il y a un port HDMI, une carte SD de 8 gigs incluse avec le système d'exploitation de Kano, K-A-N-O, et un petit ensemble pour savoir comment programmer vous-même. Et puis bref, ça peut fonctionner avec n'importe quel genre Debian Linux, le système Debian Linux. Et puis ça vient avec un logiciel facile à utiliser pour créer des jeux vidéo simples. Le Kano Kit Do-It-Yourself Computer sur Kickstarter, encore une fois, pour 120$ américains. Puis le petit clavier orange, il est vraiment beau. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Il est vraiment beau! J'en veux un React, là. On change tous les ordinateurs de C'est Fou pour des canaux. OK. T'sais? Des canaux? Mais on met-le. Il n'y a même pas d'eau ici. Ah, oh, drôle! Ouais, je ramais un peu pour trouver la... Ouais. Tu ramais pour trouver la... Oui. Merci. Mais quand il fait froid, des fois, tu patines, puis là, le canot, tu fais du portage. Ah, ouais. Ça tombe bien parce que des ports USB, portage. Oh. Ensuite, tiens, quand on sèche les cheveux le matin, des fois, ça peut être difficile parce que tu as besoin de deux mains pour te coiffer, pour tenir tes cheveux, et tu manques d'une troisième main pour tenir le séchoir, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Quand tu veux te faire des couettes puis te sécher les cheveux puis je sais pas trop quoi en même temps, tu fais ça en même temps, t'as besoin de trois mains, bref. Moi, j'ai développé une très très bonne dextérité de mon pied droit. Ah oui, hein? Fait que je tiens le séchoir comme ça, là. Ok, on te... Ouais, ok, ouais, c'est beau ça, belle pause. Merci. Je comprends toujours pas comment tu peux avoir besoin de trois mains pour te sécher les cheveux. J'imagine qu'il y a des gens qui ont ce problème-là si on a créé le Air Physics Hands Free Hair Dryer. N'est-ce pas? Ouais. C'est un séchoir à cheveux de 1500 watts avec un design qui tient sur lui-même, sur n'importe quelle surface plane. Le bout est à angle pour que vous puissiez envoyer l'air chaud vers vous, ce qui vous permet d'utiliser vos deux mains pour faire votre coiffure. Design ergonomique qui ne va pas faire mal à votre cou, à vos épaules et à vos poignets. Et on peut aussi le prendre de façon normale, un peu comme un fusil, comme on ferait avec un séchoir normal. Ben, je sais pas, moi je tiens un fusil comme je tiendrais un séchoir à cheveux. Lucky Luke avec son séchoir. Il sèche les cheveux plus vite que son ombre. C'est ça. Plus vite que son ombre. Que son ombre. C'est un homme, ça, je pense, ombre. Ombre. Suivant, c'est pour changer votre iPhone ou iPod Touch en un instrument de musique. C'est le Hog Motion Synth pour 70$, pardon. Ça inclut donc un truc que tu tiens dans ta main avec 8 boutons sur un genre de synthétiseur et ça fonctionne avec une application de synthétiseur et un service dans le nuage, donc sur Internet, pour partager ses presets de synthétiseur. Tout ça forme un instrument qui permet de contrôler votre musique à distance avec les touches et le mouvement de vos mains. Ça va changer le pitch et le tone de la chanson. À chaque fois que tu utilises chaque bouton pour jouer une note et tu contrôles tout ça, bref, ça fait de la musique. Ça s'appelle le Hog Motion Synth, 70$. Ça a l'air cool. Ça a l'air aussi compliqué qu'un accordéon, je trouve. Genre, mais vous pouvez bouger dans la pièce pendant que vous jouez votre musique à distance avec votre... Ça, c'est génial. Pour vrai, c'est cool. Comme une guitare acoustique. Genre... En tout cas. Ensuite, c'est un genre de mini-enregistreuse. Oh, c'est beau! Mais dans l'enregistreuse, un peu rouge. C'est tellement style. Hipster. Ben oui, années 90, certains oui. C'est qu'on peut mettre son iPhone ou son iPod Touch dans l'enregistreuse, okay, dans la petite porte à cassette. Et donc, à la place de la cassette, c'est ça, tu mets ton iPhone et tu branches ça dans la prise 3,5 mm, donc la prise d'écouteur, et tu rock avec ta musique. Okay. C'est vraiment... Oh, c'est, j'adore ça. Oh oui, ça, j'en veux un, là, comme oui. Maintenant. Est-ce que c'est disponible? Oui, c'est 50$, c'est le iRecorder. On se cotise. On faisait pas un échange de cadeaux? Ah, est-ce qu'on a le même budget de 50$? Ah! Je me rappelais pas de ça. On a peut-être mis la virgule à la mauvaise place. Ensuite, c'est une cassette USB. C'est une genre de mixtape. Tu sais, dans le temps, on faisait des mixtapes pour donner à sa copine, son copain. Donc ici, c'est la mixtape de 1 gigaoctet à 23$. C'est une cassette, mais à l'intérieur, il y a un lecteur USB. Mathieu, tu me flabbergastes. Je te flabbergaste quand je ne demande pas mieux. Donc, c'est ça, tu vas pouvoir mettre des fichiers dessus. Et sur le carton qui vient avec la cassette, tu peux écrire les noms des chansons. C'est cool, j'adore c'est vraiment ça. Cool. Ouais. Je suis vraiment... Flabbergasté. Oui, mais pour de vrai, on dirait que je veux tout ça pour Noël. Cool! C'est le but. Si vous prenez des photos souvent, par exemple, vous êtes vendeur sur eBay ou Kijiji et vous voulez prendre des photos de vos produits, mais quand même, vous voulez qu'ils soient sur fond blanc pour pouvoir faire un montage avec, il vous faut ce petit studio portable, c'est le Foldio. Et c'est vraiment un kit pour prendre des photos sur fond blanc et blanc pur. D'accord, donc le Foldio, c'est un projet sur Kickstarter. C'est fait pour photographier des petites choses dans un petit appartement. Donc, c'est parfait pour utiliser avec votre téléphone cellulaire. C'est fait de papier résistant à l'eau et laminé et qui se plie, comme je l'ai dit mille fois. Et ça s'assemble avec des aimants. Donc, c'est 10,2 par 10,2 par 10,2, un cube blanc avec des lumières LED pour éclairer votre produit. On demande 34$ pour le Foldio Studio. T'as 43$ pour le Foldio et 7 arrière-plans de couleurs. Donc, pour juste quoi, même pas 10$ de plus, 9$ de plus. Et on a de l'argent jusqu'au 2 janvier. Présentement, ils ont dépassé leur but, donc on prévoit envoyer le produit en février 2014. C'est wow. Cool! Vraiment. Pour quelqu'un qui vend beaucoup. Ensuite, il y a des lunettes intelligentes qui permettent au personnel médical de voir à travers de ta peau pour savoir où t'es piqué. Tu sais, quand tu vas te faire prendre une prise de sang, quelque chose comme ça, des fois, les infirmières ont de la misère à trouver ta veine. Ouais. Ouais, pour insérer leur aiguille. Donc, ça s'appelle le Eyezone Glasses System. Et puis, ça va leur permettre de voir au travers de votre peau et de vraiment voir les veines en genre de, pas rayon X, mais presque. Et puis, en plus, t'as la télémédecine qui, y a une possibilité de partager les images avec un docteur qui serait à distance. Donc, d'hôpital en hôpital pour s'envoyer ça électroniquement. Donc, ça pourrait être utilisé dans les hôpitaux du futur. C'est quand même cool. On continue avec une chandelle à senteur, odeur. Lequel tu préférais, Stéphanie? Odeur. Odeur, donc à odeur de poulet frit. Fragrance. Fragrance. Oh, wow! De poulet frit Kentucky. Ah. Oh, yark! Oh, ben oui, si tu veux être malade toute la semaine. Donc, des genres de chandelles. Mais ça dit pas Kentucky Fried Chicken, ça dit juste Fried Chicken dessus. Ça donne-tu la peau grasse? Ah! Ah! OK, tu dis ça et ça me fait vraiment penser à l'annonce jadis de poulet frit, là, où la fille avait la tête au-dessus du baril, genre, tu sais, avec un drap sur la tête. Vous avez pas vu ça? Non, mais en fait, sentait, là. Mais en fait, justement, tu sais, mettons, tu mets au-dessus d'eau chaude pour avoir la vapeur, ça va ouvrir les pores de peau et justement nettoyer les pores. Mais elle faisait ça avec la vapeur de son poulet frit. Wow. Et honnêtement, le cœur me levait à chaque fois. Je me disais, elle doit donc bien avoir la face grasse. Ouais, puis elle se fait un mash de salade de choux après. Ouais, genre, elle s'en met ses yeux, puis elle va dans son bain, puis elle boit une petite coupe de sauce. Ben là, ils ont dû mettre des cocombes, hein? C'est ça, après ça, elle se fait envelopper dans de la sauce. Tu sais, tu peux te faire envelopper dans le chocolat. La panure, oui. Ah, oui. Avez-vous vu l'annonce de Doritos? La fille dans sa baignoire remplie de Doritos? Ah, c'est non. Dégueulasse. Ah, wow. Juste même. Wow. Fait que finalement, ta chandelle à saveur de poulet frit. À saveur. À saveur. À odeur, senteur. Fragrance. Fragrance. Est-ce que vous étiez du genre, quand vous étiez petit, à tremper votre doigt dans le cire? Danser. La chandelle, je pensais que tu parlais de poulet encore. Non, non, dans le cire, puis faire un doigt de cire. Moi, je mettais mon doigt dans le cire pathétique tout le temps. Oui. J'arrêtais pas de faire des doigts de cire. C'est ça. Wow. Bon. Est-ce qu'on revient? Oui, on revient. Parfait. Donc oui, c'est ça. Chandelle à odeur ou fragrance de PFK fait de cire de soya. Et on a ajouté quelques ingrédients secrets. Donc ça a l'air assez crédible. 25$. Non, pardon, excuse-moi, j'ai lu le mauvais chiffre. Ils en font seulement 25. Ils en fabriquent 25. Ils les vendent pour 22$ chaque. Moi, j'imagine qu'il en reste. D'après moi. C'est encore drôle. Ouais. On aime les croustilles. Oh, wow! Mais on n'aime pas les casser. On n'aime pas quand les Pringles tombent toutes cassées de notre peau cylindrique. Ou, je crois que toi, Mathieu, je suis certaine, t'as des grosses mains puis ça rentre pas dans le pot. Ben, t'as raison. Ça rentre pas dans un gros pot maçon. On a témoigné de ça hier. Donc, toi, la main te rentre pas dans un pot de Pringles, c'est ça? C'est ça. C'est ironique quand même parce que je mettais mon doigt dans ce pathétique, mais je peux pas mettre ma main dans un pot de bonbons, ça. Ben, tout dépend du trou, hein. C'est ça, de l'orifice. Donc, si vous voulez justement pas casser vos chips, c'est vraiment super. C'est un bracelet de silicone, un peu comme les bracelets qu'on snappait sur notre bras dans le temps, dans les années 90. Sauf que là, à la place, c'est pour mettre autour de votre canne de Pringle. Et bref, quand vous défaites le bracelet que vous mettez sur en long, okay, vous pouvez l'insérer dans la boîte de Pringle et faire sortir les chips dessus. C'est en silicone. J'adore ça. Ça c'est malade. Super bien. Fantastique. Je veux savoir combien ça coûte, moi, ça. Attention, c'est sur Extra, Untrix Inc. Et on demande, il est en plusieurs couleurs, jaune, rouge, vert, etc. Et c'est résistant à la température, donc j'imagine, je sais pas si on peut faire cuire des chips avec ça. Non. Je vois pas le prix. Oh! Je vois pas le prix. Il est fabriqué en Chine. ça doit pas être cher d'abord. Ouais, en tout cas, bref. Ah, est-ce que je l'ai? Pas plus. Alors, ben, forcez-vous donc à faire un site genre convivial. On s'en fout. OK. Convivial. Ça marche pas, la rafale. Pour toute la famille. Oui. Ensuite, c'est des bonbons qui vont vous faire suer d'une certaine odeur ou d'une certaine fragrance. C'est Dio Perfume Candy avec un ingrédient actif qui s'appelle le géraniol, un peu comme un géranium. Mais ça finit pas pareil. Pas pareil. C'est donc une affaire qui... Il y a plusieurs personnes qui sont allergiques à ça, mais pour ceux qui ne le sont pas, donc ça va faire que votre peau va dégager une certaine odeur. Quand même, hein? C'est bizarre, ça doit pas être comme super chimique? Probablement, oui. Okay. C'est ce que les critiques ont l'air de dire. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont allergiques. Ça vient de Bulgarie. Donc, c'est le Dio Perfume Candy. Sans sucre. Ah, oh, moi, je viens de voir le prochain. Ah! Mon Dieu! Les gens qui sont vraiment obsessifs compulsifs sur comment trancher votre pizza, vous voulez que les tranches, les pointes soient exactement de la même grosseur? Hein? Il vous faut le Laser Guided Pizza Cutter. C'est le Tactical Laser Guided Pizza Cutter. Je sais pas quoi penser. C'est un coupe à pizza, un rond évidemment, avec un laser de catégorie 2 et une lampe de poche. Le laser va donc projeter une ligne parfaite sur votre pizza pour couper de précision, si on veut, un peu comme dans l'armée. On peut couper aussi dans le noir parce qu'il y a une lumière, une lampe de poche. Donc, quand même. Non, mais ça peut être pratique. Admettons, est-ce que tu peux choisir le nombre de lasers selon le nombre de pointes que tu veux? C'est ce que j'en comprends, mais peut-être pas. C'est juste un laser qui te guide pour faire une ligne droite. Ah, hein? Oui. Ouais. OK, je pensais qu'il y allait... Ah, ben là, je suis déçu. Ben... Parce que, admettons, si t'avais pu dire, moi, nous autres, on est 5, je sais pas où couper ma pizza. Ah, ça là, aurait été génial. Tu pourrais choisir 5 points, puis te montrerais où couper pour avoir 5 points égales. En fait, c'est ce que je pensais que c'était, mais parce que la photo a comme plusieurs lasers dessus, mais j'avoue qu'il y a comme un seul grand laser. Hein. Ouais. Ouais. Ah, ben, mon idée est meilleure. Est-ce qu'on la fait, puis on devient chose. Riche? On Kickstarter? Yes. Moi, c'est pas super clair. Bref. Tu coupes ta pizza, puis là, ton chat, il se pogne dedans parce qu'il y a un laser, puis là, il capote. Il sort sa pizza. Bref. Super cool, allez voir, c'est sur Thingeek, donc un produit de qualité comme toujours. Ensuite, une tasse à mesurer, pas une tasse à mesurer, mais une cuillère à mesurer. À la place d'avoir plusieurs cuillères à mesurer, de un demi, une cuillerée à thé, deux cuillères à thé. Un huitième, genre ces affaires-là. À la place, c'est une seule cuillère avec un petit bouton pour sélectionner la grosseur de ce que tu veux, la quantité de ce que tu veux. Donc, tu mets à une demi-tasse, peu importe, et tu vas pouvoir mettre une demi-tasse dans ta cuillère parce que ça rentrera pas plus que ça. Il y a comme une petite coulisse là, dans l'intérieur de la cuillère, une petite genre de porte battante qui va s'augmenter ou se descendre par rapport au bouton où tu l'as choisi. Donc, c'est New Scoop Adjustable Measuring Scoop. Et puis, ça vaut la vaisselle. Parfait pour mesurer en once, en tasse, en cuillère à table, en millimètres et en grammes. Moi, je suis certaine que ça se lave mal parce que derrière le petit panneau, il va s'insérer des liquides. Ouais. Là, peut-être que tu peux retirer la porte, je sais pas. Ah, je suis certaine que c'est ordinaire. Mais c'est, ça dit que c'est bon pour le liquide et le sec. Voilà. Ensuite, quand vous avez un appareil USB, par exemple un iPhone, et que vous voulez le charger, on n'a jamais de prise de courant proche de nous. Mais on a souvent, mettons, on est sur un site de construction, on a souvent une drill. Hein? Ben oui, une drill. Ouais. Puis donc, la drill, t'as charge avec quoi? Ah, ben ça, faut qu'elle soit déjà chargée. Ah. C'est le Power EyeSight. C'est un petit gadget qu'on branche sur n'importe quel outil. En fait, ça dit DeWalt. Donc, j'imagine qu'il faut que ce soit la compagnie DeWalt, mais je sais pas pourquoi. Donc, sur Kickstarter, donc, on parle de que ça fournit 3.1A. Je sais pas si c'est une sorte de courant. Et on s'attend à ce que ce soit livré en mars 2014. Donc, tu appuies sur le bouton de ta drill pour faire tourner le truc et ça va charger ton appareil. Mais c'est n'importe quoi. Oui. Qui a une drill et un iPhone en même temps dans ses mains? Puis honnêtement, c'est tout le temps ma drill qui est déchargée. Ouais. Pour le nombre de fois que je m'en sers. Je préférerais pouvoir recharger ma drill avec la batterie de mon téléphone. Ça serait plus pratique, je pense. On peut pas faire l'inverse? Je sais pas. Ce serait un une bonne équipe de sport, ce genre, mais au Québec, là, dans le domaine de la construction, le Real Madrid. Ça. Le Real? Ouais. Ensuite, quand on prend des photos sur son téléphone, on veut prendre des selfies. C'est difficile parce que bon, tu vas shaker ou quelque chose comme ça, ou tu vas pouvoir prendre ta photo et lâcher ton téléphone. Il te faut Shutter, S-H-U-T-T-R. C'est un appareil Bluetooth qui se synchronise évidemment avec votre téléphone et vous allez pouvoir contrôler à distance. C'est juste un bouton pour appuyer sur l'appareil photo. Clic-clic, c'est comme un déclencheur, comme un appareil photo, mais pour un téléphone cellulaire. Donc, ça fonctionne pendant 2 ans sur une seule batterie remplaçable. Ça fonctionne sur Android et iOS. On va sauter par-dessus quelques affaires. On va y aller avec, pour les célibataires ou les gens qui aiment faire leur propre repas parce que leur copine ne mange pas les mêmes choses qu'eux. Donc, la vie, évidemment, aussi peut-être compliquée. On a de la misère, des fois, à trouver le temps pour faire ses repas. Donc, on va faire la fin de semaine pas mal de bouffe, puis après ça, mettre ça dans des contenants, puis après ça, il faut les faire réchauffer au micro-ondes, etc., etc. C'est vive Tupperware, etc. Je me retiens, là, faut pas faire ma plug de Tupperware, car je suis conseillère Tupperware. Appelez au 376-583 pour une démonstration au domicile. Ah, je suis sûr que ça ne dérougit plus déjà. Donc, il y a bien des gens qui n'ont pas le temps pour faire la cuisine à tous les jours, donc ils préparent, comme je disais, de la nourriture pendant la fin de semaine. Après ça, on veut pouvoir le réchauffer. Et il y a un nouveau gadget qui s'appelle est-ce que c'est le Plate Cooker? En tout cas, je ne sais pas si c'est quoi le nom du produit. Mais bref, c'est comme une plaque, un peu comme un grill George Foreman. Sauf qu'à l'intérieur, tu peux choisir la portion où mettre. Il y a comme déjà un petit compartiment. Par exemple, bon, ça va devoir cuire pendant 15 minutes, ça pendant 2,5 minutes, ça pendant 4 minutes. Et quand tu vas fermer l'affaire, ça va seulement cuire pendant le temps que ça demande. Et ça va tout synchroniser ça pour que tout soit chaud à la fin. Ben, c'est cool! C'est incroyable. Vraiment le fun! Pour vrai, donc différents compartiments pour différentes nourritures. Et puis, c'est ça. Donc, étape 1, sortir la nourriture du réfrigérateur. 2, insérer les repas dans la grille. 3, choisir la durée. Et 4, laver l'assiette. Parce que juste l'assiette est enlevable et tu peux la laver indépendamment. C'est un concept par René Chung. Pour l'instant, on peut pas l'acheter, mais ça devrait venir. Incroyable. Quand on accroche des affiches sur les murs maintenant, vous savez que des fois ça peut être difficile, on fait des trous, on met de la gomme bleue, il n'y a rien qui tient, du papier collant, c'est laid. Donc ici c'est des sticks, S-T-I-I-C-K-S, c'est deux bâtons qui sont collés à partir d'aimants vraiment puissantes. Donc tu vas seulement mettre une seule vis dans ton mur, tu as 4 longueurs de bâtons, ça va de 12 pouces de long à 25 pouces de long. C'est disponible en 5 finis, le genre boisé, sur Kickstarter pour 30$. Donc, les deux bâtons, ça se défait. Tu mets ton poster, tu fermes avec l'aimant. C'est cool, ça. Tu l'accroches. C'est ouais, cool. J'aime ça. Ouais. Et puis, en fait, je pense qu'on va arrêter là. Les autres sont pas super intéressants. Donc, c'était 16 semaines. Ça devrait répondre là. Yes! Wouhou! T'as réussi, hein? Mathieu. J'ai réussi. Je me suis rendu à peine en plus de temps que nécessaire. C'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Mais avant de dire ce qui se passe demain, remercions les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Jean-Philippe, Oui. Ingrid Arneberg. Ben oui, qu'on a eu ce matin. Bien, bien de bonheur. Lily Brunet-Saint-Pierre. Mm-hmm. On a eu qui d'autre? On a eu Sabrina Soucy, Jonathan Côté pour les soirées cachées, c'est fou. Ce soir, Kid Kuna, 22h. Exactement. Stéphanie Paradis, merci. Oui, merci. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci à toi, Mathieu. Demain, à l'émission, ça va être assez chargé encore comme aujourd'hui. Justine Renaud va être là à 7h30 pour son segment musical rétro Justine aux platines. David Ferron va se faufiler derrière nous pour insérer la langue dans ton oreille. François Andry va nous parler de politique dans sa chronique Logocratie 101 et on va retrouver Joanie Gagnon avec ses sorties culturelles dans Alors on sort. Il faut aussi qu'on joue et rappelons-nous-en l'entrevue que Simon Fitzbay a réalisée avec Sexe Illégal. Oui, monsieur. On fait ça demain à l'émission, ça va être super chargé. Passez une très belle journée, restez pour le dîner con. Oui. Bye. Bye-bye. Yeah.